7h01 sur la matinale de Fadjet. Vous êtes sur le 94.2 FM ou le www.fadjet.net pendant que les stars de la matinale du lundi s'installent avec... Aujourd'hui, on a un invité spécial, on a Bruno du mardi qui nous rejoint. Et oui, je vois qu'il y a déjà des micros qui sont équipés, des casques, pardon, qui sont équipés. On va juste le temps de se faire un petit coucou et après, on va démarrer la matinale sans plus tarder. Voilà, vous pouvez dire un petit coucou si vous voulez. Hello. Juste un petit coucou. Petit. Bonjour. Non, j'ai dit un petit coucou, personne ne respecte la consigne, ça commence bien. On est là pendant deux heures. On est là pendant deux heures. Vous êtes sur le 94.2 FM, www.fadjet.net. C'est parti pour deux heures de matinale et on souhaite naturellement un merveilleux anniversaire à la radio préférée de votre radio préférée, Radio Fadjet. 94 de services compris. C'est de 7h à 9h à l'occasion des 40 heures de live sur Fadjet. Qui dit matinale dit info et on démarre ce flash avec les infos nationales et internationales. On parle en France maintenant où Nicolas Sarkozy est désormais équipé d'un bracelet électronique. Quelques mois après sa condamnation, Nicolas Sarkozy s'est fait poser ce vendredi 7 février un bracelet électronique à la cheville, a annoncé l'AFP. Lors du jugement rendu mi-décembre, l'ancien président avait été reconnu définitivement coupable de corruption et trafic d'influence dans l'affaire Paul Bismuth. Le bracelet électronique est installé par un agent de surveillance électronique de l'administration pénitentiaire, chargé également de paramétrer le dispositif. Nicolas Sarkozy ne pourra désormais quitter son domicile que durant certaines heures fixées lors de son entretien avec la JAP la semaine dernière. L'ancien président va cependant pouvoir demander sans délai à bénéficier d'une libération conditionnelle et donc pouvoir se faire retirer ce bracelet sous certaines conditions, comme la loi le permet pour les plus de 70 ans, âge qu'il a depuis le 28 janvier, jour de sa convocation. Toujours en France, l'affaire d'Oualem, l'OQTF de l'influenceur algérien, a été annulée. Vivant légalement en France, l'influenceur algérien d'Oualem ne pouvait pas être expulsé par une obligation de quitter le territoire français. Seule une procédure d'expulsion ordinaire pouvant être appliquée à son cas, a expliqué vendredi le tribunal administratif de Melun qui a annulé jeudi cette OQTF. Au cœur d'un bras de fer entre Alger et Paris, ce ressortissant algérien de 59 ans avait la procédure d'expulsion à son encontre annulée vendredi par la justice, ce qui a permis sa sortie de rétention administrative. Cette décision judiciaire a provoqué de vives réactions au gouvernement, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau déplorant quantité de règles juridiques qui ne protègent pas la société française, tandis que le garde des Sceaux Gérald Darmanin a appelé à modifier la loi. Faisant application de la loi, le juge du tribunal administratif de Melun a considéré, comme le tribunal administratif de Paris, que Doualem ne pouvait être éloigné du territoire français que selon la procédure d'expulsion ordinaire impliquant son audition devant la commission d'expulsion et que la procédure de l'OQTF n'était donc pas légalement applicable, a détaillé la juridiction dans un communiqué. Enfin, un mot de musique. Maintenant, on a appris hier, à l'âge de 34 ans, le décès du chanteur de reggae Naman. L'artiste de reggae Martin Mussard, alias Naman, est mort ce vendredi à l'âge de 34 ans, des suites d'une tumeur cérébrale, a indiqué aujourd'hui son équipe Big Scope Records dans un communiqué. Avec des morceaux tels que Karma, de multiples collaborations, plus de 70 titres et 5 albums, Naman a su conquérir son public et déployer ses ailes au-delà du reggae, écrit encore son équipe. Sa tumeur avait été diagnostiquée en 2019, 6 ans après la parution de son premier album en 2013. L'artiste originaire de Normandie a composé jusqu'à ses dernières semaines, indique le communiqué, désireux de partager encore quelques mots avec son public de vive voix. Il laisse derrière lui quelques enseignements exclusifs qui illustrent magnifiquement son propos et son œuvre. Leur sortie sera programmée prochainement. On poursuit ce flash plus proche de chez nous en Lorraine. On parle de transport où le conseil métropolitain acte le financement de la liaison entre Nancy et Metz. La reprise de cette desserte TET, train d'équilibre du territoire, est devenue une réalité grâce à la participation financière importante consentie par la métropole du Gros-Nancy, les conseils départementaux de Meurthe-et-Moselle et des Vosges ainsi que la région Grand Est. Un soutien des collectivités s'établissant à 24 millions d'euros jusqu'en 2028. À partir du 28 décembre 2028, l'État prendra en charge l'intégralité du financement. En conseil métropolitain, la métropole du Gros-Nancy a acté sa part de financement s'élevant à 1,8 million d'euros, soit 450 000 euros par an, à égalité avec le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Ce retour constitue un enjeu clé pour la mobilité durable et l'attractivité des territoires, facilitant les déplacements entre la Lorraine et le sud de la France. L'engouement du public est déjà visible avec une fréquentation moyenne de 93% vers Lyon et 89% dans l'autre sens, souligne la métropole du Grand-Nancy. Et enfin, on finit avec un mot de culture, où le tournage d'une série est prévu à Nancy Thermale. Un des personnages phares de la série Camping Paradis tellement marquant pour TF1 qui a décidé de lui dédier sa propre série, Monsieur Parisot, campeur professionnel et enquêteur amateur. Un spin-off de Camping Paradis dans lequel on découvre la vraie vie de Monsieur Parisot, interprété par l'acteur Patrick Parot. Un des épisodes de la série se déroulera en Lorraine à Nancy Thermale, où Monsieur Parisot séjourne dans le cadre d'une cure, un séjour qui n'aura rien d'une promenade de santé puisqu'il va devoir résoudre une nouvelle affaire. L'expérience de ce tournage réjouit déjà Didier Ringwald, le directeur de l'établissement qui était avec l'équipe de TF1 mercredi dernier. Ils ont visité plusieurs locaux de centres thermaux en France et ont choisi Nancy Thermale, a-t-il ajouté. Ravi. Prochain point sur la météo, tout à l'heure. Évidemment à 8h dans votre matinale. On fait un point sur la météo avec toi, Audeline. Salut Audeline. Salut Aymeric. Donc aujourd'hui, samedi 8 février 2025, la région Lorraine connaîtra des conditions météo typiques de l'hiver. Les températures seront fraîches avec des maximales autour de 6 degrés et des minimales proches de zéro. Le ciel sera généralement nuageux avec de possibles averses éparses au cours de la journée. Il est également possible que quelques chutes de neige légères se produisent, notamment dans les zones les plus élevées. Le vent restera modéré aussi, il nous vient du nord-ouest, et il est conseillé donc de s'habiller chaudement et de prévoir un parapluie ou un imperméable pour la journée. Ou un imperméable pour la journée, mais n'oubliez pas que les beaux oiseaux ne mouillent pas. Voilà, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire, mais voilà. Merci beaucoup Adeline, prochain point sur la météo tout à l'heure à 8h. Allez, on joue un petit peu ce matin. Fadjet, c'est plus qu'une radio, c'est aussi 40 ans de jeux et de cadeaux à gagner. Rendez-vous sur le site internet de la radio www.fadjet.net dans la rubrique jeux et tentez de remporter vos places pour le concert de ce vendredi 14 février de Electro Deluxe, ça aura lieu à l'autre canal, ou alors pour le concert de Laura Kahn, ça aura lieu le mercredi 19 février. Pour ça, rien de plus simple, www.fadjet.net dans la rubrique jeux. Vous cliquez sur le petit lien, vous remplissez votre petit formulaire et tentez de remporter vos places. Un tirage au sort sera effectué. Bonne chance à vous, bonne journée et bon réveil. Il est 7h09, ça y est, la matinale est lancée. Nous sommes le samedi 8 février, nous sommes à la 11e heure, je crois que c'est ça que j'ai entendu. Nous sommes dans la 11e heure de matinale, nous on est là encore jusqu'à 9h. Et c'est naturellement que je vais vous présenter l'équipe. Vous la connaissez en partie parce que vous êtes des aficionados de la matinale. Vous l'écoutez tous les jours, du lundi au vendredi, aujourd'hui samedi, même demain dimanche de 7h à 9h. À ma droite, c'est un non-habitué de l'équipe du lundi, c'est Bruno qui est avec nous. Salut Bruno. Salut. Comment vas-tu? Eh ben écoute, jusque-là tout va bien. Jusqu'ici tout va bien, formidable. Donc tu fais partie de l'équipe du mardi et aujourd'hui tu es avec nous en cette matinale un peu spéciale pour les 40 ans. Avec toi on va parler top 5, mais ça vous en saurez un peu plus au cours de l'émission. C'est ça. Elle est là, elle est de retour avec... elle a pas son binôme qui se met des petits taquets d'habitude. Il y a pas Mehdi qui lui est à Dubaï, hein, qui se la raconte un peu. Ouais. Mais qui doit nous écouter, c'est sûr. Il y a Camille qui est là. Salut Camille. Salut Aymeric, bonjour à tous et à toutes. Comment vas-tu? Ça va, merci. En forme, le réveil a pas été trop compliqué ce matin? Non, bah écoute, à force on est habitué. C'est clair, exactement. Vous l'avez entendu sur la météo, c'est Audeline qui est là. Bonjour tout le monde. Comment ça va Audeline? Bah écoute, en forme, hein, ça va. Super, avec toi aujourd'hui, on va parler 40%, mais pas que, on va fêter un autre anniversaire, autre c'est que ça. Celui de Fadjet, un anniversaire important. On vous spoile rien, vous êtes comme ça, vous êtes obligés de rester avec nous jusqu'au bout de l'émission. Et enfin, l'homme des salles obscures qui a vu tous les Expandables, qui a vu tous les Tekken naturellement, c'est Joshua qui est là. Salut Joshua. Salut Aymeric. Comment ça va aujourd'hui? Ça va plutôt bien et toi? Ça va très bien, je te remercie. Pareil avec toi, on va rester dans le thème du cinéma. Les films qui fêtent eux aussi leurs 40 ans. Parce que c'est ça la thématique de ce grand week-end 40 heures de radio sur les ondes de Fadjet ou sur notre site internet. Bref, j'arrête de parler, on fait une petite pause musicale. On va écouter Pierre Guénard avec le titre Tant mieux et on revient juste après. Restez avec nous. On vous souhaite une bonne journée et un bon réveil. 94.2, service compris. Votre matinale sur Fadjet. Tu m'as fait de la peine, je m'en veux. La coupe est pleine et demain est précieux. J'ai pas de haine, j'ai mieux. Perdu mon temps, ma dignité. Tu m'entends, il est temps de m'écouter. Finalement, je m'en vais. J'ai fait gentiment, gentiment, sans compter sur tes sentiments, sentiments. Tu m'as gentiment, gentiment baladé, c'est un aveu. s'empilent, mes bouquets fanés, mes appels inutiles, plantés sur ton palier. J'ai attendu, j'ai couru, concouru, trop con, j'y ai cru. Raté. J'ai fait gentiment, gentiment, sans compter sur tes sentiments, sentiments. Tu m'as gentiment, gentiment baladé, c'est un aveu, un adieu. Pierre Guénard avec le titre Tant mieux. Fadjet, depuis 40 ans à vos côtés. L'éphéméride. L'éphéméride de ce 8 février, naturellement, on l'a déjà dit, je pense que vous allez l'entendre un milliard de fois pendant le week-end, mais on souhaite évidemment un bon anniversaire à Fadjet qui fête ses 40 ans cette année. Le 8 février, nous sommes donc le 39e jour de l'année, on y fête les Jacqueline et les Juvence, rien à voir avec La Fontaine, puisqu'il manque un O. Ni avec Jean. Ouf, technique celle-là. Ouais. Il reste encore 326 jours avant la fin de l'année 2025, donc on a encore du temps devant nous. Je disais qu'on fête les Jacqueline, la plus célèbre des Jacqueline est sans doute Jacqueline Kennedy, naturellement l'épouse du président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, qui est née en France sous le nom de Lee Bouvier. Voilà. Lee Bouvier. Ouais, Lee Bouvier, je ne savais pas du tout, je l'apprends en même temps que vous. Bah ouais. Donc voilà. Les petits événements, qu'est-ce qui s'est passé un 8 février dans l'histoire? En 1807, Napoléon Bonaparte gagne la bataille d'Eylau contre les Russes. En 1828, c'est la naissance d'un écrivain que vous connaissez pour Le Tour du Monde en 80 jours. 20 000 lieues sous les mers, exactement. C'est la naissance de Jules Verne, notamment donc l'auteur de nombreux romans adaptés au cinéma. Comme je l'ai déjà dit, donc Le Tour du Monde en 80 jours, qui est un film très marrant avec Jackie Chan. Voilà, ouais. Qui est à voir, si vous avez du temps, n'hésitez surtout pas à le voir, franchement. Il est très sympa. C'est passé également un 8 février, le premier vol commercial international en avion effectué par le pilote français Lucien Boussoutrou entre Paris et Londres à bord d'un bombardier transformé, qui est l'avion en question, c'est le Farman Goliath, avec 12 passagers assis sur des fauteuils d'osier. Donc c'est le premier vol commercial de l'histoire. En 1919, cela s'est passé. On va rester dans le domaine de l'aviation. En 1933, la compagnie d'aviation Boeing, que tout le monde connaît au moins de nom, a effectué le vol test avec son premier avion de ligne, le Boeing 247. Je crois qu'aujourd'hui, on est au 747, je crois, quelque chose comme ça. Donc, c'est un petit peu évolué. Quelques globes et quelques améliorations nous permettent de voyager à travers le monde naturellement. En 1976, à la question « Je souhaite que Mayotte demeure au sein de la République française », les Mahorais répondent « Oui » à 99% avec un taux de participation à 84% lors d'un référendum. En 1984, ouverture des JO d'hiver qui se déroulent à Sarajevo en Yougoslavie, qui auront lieu du 8 au 19 février 1984, toujours dans le thème des JO. En 2002, cette fois, c'est les JO d'hiver qui ont lieu à Salt Lake City, dans l'Utah, aux États-Unis, qui auront lieu du 8 au 24 février de cette année 2002. Et enfin, un événement qui s'est passé en 2025, le 8 février 2025, vous n'allez jamais deviner quoi. C'est le grand début des vacances scolaires de la zone B, qui ont lieu du 8 au 23 février. Voilà. Comme quoi, il se passe des choses. D'habitude, on a toujours des trucs dans le passé. Et là, on est en plein dedans. Donc, bonnes vacances à ceux qui le sont. Attention sur la route aussi, parce que je crois qu'il va y avoir pas mal de monde aujourd'hui. Oui, oui. Bison futé annonce. Alors qu'ils écouteraient la matinale, ils partiraient après, ils éviteraient d'embouteillage. Exactement. Voilà, ça, c'est du bon conseil. Et puis, comme Valentine le fait le lundi, parce que je ne suis pas Valentine, mais j'essaie de faire aussi bien qu'elle. La citation du jour, elle nous vient de Voltaire. Et c'est « J'ai décidé d'être heureux, c'est meilleur pour la santé. » Gamberge. Et ben, je suis assez d'accord avec ce que dit Voltaire. Soyez heureux, c'est meilleur pour la santé. Et surtout, écoutez Fadjet pendant encore 40-11. Alors attention, ça fait 29h. Il reste 29h, un petit peu plus de 29h d'émission sur nos ondes, sur Fadjet. Allez, on se refait une petite pause musicale. On va écouter Lost Frequencies avec Love is the Only Thing. On revient juste après. Je vous dis pas avec quoi, parce que bah, vous avez qu'à écouter. Et puis voilà, à tout de suite. Fadjet, 40 ans de souvenirs partagés. It heals me when I'm broken. Brings me in from the cold. And in my darkest moments, it illuminates my soul. There is no greater power, no higher place to be. And if I say the words out louder, they cover you and me. Love, love is the only thing. Open up your heart, let all the sun shine in. Oh, love, love is the only thing. And the more you give it, no higher place to be. No, no, no. And if I say the words out louder, will they come and rescue me? Lost Frequencies avec le titre Love is the Only Thing. Votre dose d'énergie matinale, c'est sur 94.2 avec Service Compris, la matinale de Fadjet, de 7h à 9h. L'info sport. Alors l'info sport, mais on triche un peu. Voilà, pour ces 40 ans, on fait un petit top 5 avec toi Bruno. Un top 5 événements sportifs qui sont passés il y a 40 ans. Ouais, c'est ça, j'en ai sélectionné 5 parce que j'aurais pu en sélectionner beaucoup plus, mais on va dire 5, c'est bien, c'est la vie de lasser. On va commencer par le sacre de Platini en Ligue des Champions. Ah, Michel. Ah oui, on va commencer par Alorin, tant qu'à faire, donc, qui offre la coupe de Lorraine, j'allais dire. Oui, il aurait pu aussi, cela dit, la coupe d'Europe. La coupe des Ligues des Champions à la Juventus face à Liverpool, mais dans un contexte assez tragique. Le drame du Heysel. Le drame du Heysel, exactement. Ouais, donc il a quand même fait 39 morts. Bon, bah, c'est pas l'événement le plus sympa, mais... C'est pas l'événement le plus sympa, mais les deux sont liés, donc on peut pas en parler d'un sans parler de l'autre. Exactement, c'est important de se rappeler aussi de ces tragédies qui aussi font l'histoire du sport, en tout cas avec Michel Platini, donc qui offre cette Ligue des Champions face à un club que je déteste, donc ça m'arrange. Ah, ça me fait plaisir. Et le record, on va continuer avec un Russe, le record de Sergueï Bubka qui dépasse les 6 mètres à la perche. Il fait 6 mètres 16, je crois, et après atomisé par notre ami Renaud Lavillenie. Puis par Armand Duplantis, âgé de 13 ans, hein, à peu près. Non, je rigole, mais il est tout jeune, il a 22 ans et il est déjà à son 17e record du monde ou quelque chose comme ça. Le grand chelem de l'équipe de France au tournoi des 5 nations, l'Italie n'est encore pas là à l'époque. Effectivement. Avec. Par Serge Blanco. Ah, c'est le seul rugbyman français de cette époque dont le nom me parle, le reste. Bah, il a surtout une belle collection de fringues maintenant. Il a une belle boutique à Nancy d'ailleurs. Effectivement. Et les Français qui jouent cet après-midi aussi. L'ère Prost qui commence. Alain Prost, le Français qui a décroché son premier titre de champion du monde avec McLaren. Et c'est là que la légende d'Alain Prost et de McLaren a démarré. Est né. Ouais, c'est pas mal du tout ça. On fait aussi des Français à célébrer. Serge Blanco avec un grand chelem. On va recevoir pareil aux Français menés par Antoine Dupont et Romain Tamac de faire le grand chelem aussi. Ils l'ont déjà fait. Alors, il y a deux ans, trois ans. Deux ans. Il y a deux ans, le tournoi de destination, exactement. Et on leur souhaite la même chose. La France qui joue. Contre Galles, ça a démarré. Qui a explosé le pays de Galles 68-0. Hein, ouais, ça fait. Ouais, à un niveau professionnel, prendre 68-0. 43, ça suffira. 43 ouais. Ah, 68, c'est autre chose, alors, pardon. Il y a les basketteuses françaises qui en ont mis 101 à l'Irlande aussi. Angleterre-France, cet après-midi. Angleterre-France, le crunch tout à l'heure. Mais comme vous écouterez la radio, désolé, vous ne regarderez pas le match, quoi. À Twickenham, tout à fait. On a fait le tour ? Eh ben pour les événements sportifs, oui. Eh ben merci beaucoup Bruno, on reviendra plus tard avec un autre top 5. On vous dit pas de quoi, on en garde un petit peu sous le coude parce que on est encore là pendant environ 1h30 d'émission. Donc pardon, je suis en train de mourir à l'antenne. Moi je veux mourir à l'antenne comme chantait Dalida. merci beaucoup Bruno, on revient tout à l'heure avec un top 5. Enfin, plus tard avec des top 5, on vous dira un peu plus tard. On va rester dans le thème du 5, parce que pourquoi pas, on va écouter Maroon 5 avec le morceau Animals. Ouais, c'est transition. Un métier, hein. Ouais. On va avec le morceau Animals et vous restez avec nous. On est encore ensemble pendant 1h30. À tout de suite. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, moles. Maybe you think that you can. Just like animals, animals, like animals, bulls. Baby, I'm hey. So what you try to do to me? Hey. It's like we can't stop, we're enemies. Hey. And when we get along, when I'm inside of you. Hey. Hey. You're like a drug that's killing me. I cut you out entirely. Hey. But I get so high when I'm inside of you. Yeah, you can start over, you can run free. You can find another fish in the sea. Pretend it's meant to be, but you can't stay away from me. I can still hear you making that sound, taking me down, rolling on the ground. You can pretend. Stop. Maroon 5 avec le titre Animals. 94.2 Services compris, la matinale qui vous réveille avec le sourire. Information, bonne humeur et musique, tout est compris dans 94.2 Services compris. Alors Bruno, toi qui découvres ici, c'est notre instant bonbon. C'est le moment où on rigole généralement bien. C'est la minute info inutile. Voilà, des trucs qui nous servent à rien. 90% de ce qui est dit ici n'est pas retenu, n'est pas réutilisé en société, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Voilà, on n'a jamais parlé du fait qu'on a 150 mètres carrés de poumons dans le corps. Voilà, c'est des trucs dont on ne parle pas. Mais oui, mais vers 2h du matin, est-ce que tu te rappelles pas? C'est ça, peut-être avec l'équipe de Valentin tout à l'heure dans la nuit sur Fadjet. Mais on va continuer à parler, là, lundi on avait parlé du corps humain, et on va continuer sur le corps humain. Je sais que vous préférez les animaux, mais voilà, on va changer un petit peu, c'est pas grave. On va commencer avec quelque chose, alors, comme dans les films, hein, c'est réalisé par des professionnels, n'essayez pas ça chez vous, mais le corps humain est capable de s'adapter de manière extrême à son milieu. Ok, donc on sait que notre corps il sait s'adapter à pas mal de trucs. Mais vous saviez par exemple que les membres du peuple Bajo, qui pratiquent la plongée quotidiennement pour vivre, ont une rate 50% plus grande que la nôtre. Tout à fait. Afin de stocker plus de sang et donc d'être plus oxygéné et donc de pouvoir être sous l'eau plus souvent. C'est dingue. Il y a aussi des personnes qui vivent en altitude qui ont des poumons plus gros. Donc nous on est à 150 mètres carrés, donc ils doivent être à un petit 200 mètres avec terrasse. qui ont des poumons plus gros pour mieux oxygéner leurs muscles. Et je vais pas vous lire la dernière info, mais c'est une petite blague. Et oui, les acteurs porno ont des sexes 10 fois plus gros que la moyenne. Non. Ça, mais ça, c'est un autre sujet. Faux, ça c'est faux. Ouais. D'accord, c'est faux. Oui, c'est faux. C'est faux. C'était juste pour la blague. Calme-toi, Camille, ça va aller. On continue avec un truc qui nous concerne nous en radio et que vous avez déjà constaté, j'imagine. Ça concerne la voix. Quand vous entendez votre voix, on a tous cette remarque. C'est un enfer. Alors déjà, première remarque, c'est un enfer. Ah, j'aime pas ma voix, j'en ai marre de m'entendre, gnagnagna. Mais surtout, on n'entend pas du tout notre voix comme les autres personnes l'entendent. Tout à fait. Ça, c'est une des particularités aussi du corps humain. Donc vous avez déjà remarqué que votre voix était insupportable à entendre, mais pas vous à la matinale, je vous promets. Ah, vos voix, je les adore. Quand vous enregistrez et que vous l'écoutez après coup, eh ben, c'est parce qu'en fait, on n'y entend pas les basses fréquences que nous, les gens n'entendent pas les basses fréquences que nous on entend quand on parle en direct. Donc les os de notre oreille vibrent quand on parle et ça transmet des basses fréquences. Mais quand on s'entend dans un enregistrement, bah en fait, il n'y a pas ce système-là évidemment. Non, parce que quand tu parles, tu t'entends par l'oreille interne. Exactement. Et donc le phénomène ne se produit pas et on a l'impression que notre voix est différente. Et donc par conséquent, on la trouve souvent moche ou désagréable ou en tout cas très différente. On l'entend souvent beaucoup plus grave que la réalité. Oui, c'est ce que j'allais dire. Enfin, moi, j'ai l'impression des fois quand je parle que je parle comme ça. Quand tu t'entends parler ? Oui, oui. Ouais, le pire, c'est quand tu perds la voix ou j'ai l'impression d'être Johnny dans son prime. En fait, pas du tout. Je suis là avec ma voix fluette. Dans son prime. Le corps humain, il a quasiment autant de poils que celui d'un chimpanzé. Vous savez, tout le monde a l'image d'un chimpanzé. Oui, tout le monde voit plein de dessins. Voilà. Le seul truc, c'est que qui fait qu'on le ressemble pas pour de vrai avec tous les poils, c'est qu'en fait nos poils ils sont beaucoup plus fins que les leurs et donc du coup on les voit cheveux, pas. On a l'impression que j'en ai pas. Alors. Ils sont juste très fins. Ils sont juste très fins. Voilà, c'est ça. Amis qui nous écoutaient, qui ont une calvitie ou pas d'ailleurs, sachez que vous pourrez dire maintenant que vos cheveux sont juste très fins. C'est le contre-nom ultime et personne ne pourra aller vérifier. Et ne pas oublier aussi que les poils nous protègent de certaines bactéries et certains microbes. Absolument. Donc, évitez de vous raser de partout, s'il vous plaît. Et puis aussi, si on n'a pas les poils hyper longs aussi qui dépassent, hein, on a tous remarqué que nos poils s'arrêtent à un moment. Tout simplement, c'est l'évolution qui a fait que. Et puis aussi, le fait de porter des vêtements depuis des années, bah, en fait, le frottement empêche la pousse. Et donc, du coup, il y a aussi ce truc. On parlait de s'adapter, finalement, c'est aussi ça. Et certains métiers. Oui, par exemple, cuisinier, avec les flammes, bah, ils perdent tous leurs poils. Ah oui, effectivement. Ouais, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Bon, bah, force aux cuisiniers qui ont les mains lisses. Beaucoup de sportifs, notamment dans la course à pied, qui se rasent les poils des les jambes. Je sais pas si c'est le fait d'aller plus vite ou. Pour l'aérodynamisme, moi, ouais, je sais pas. En tout cas, par exemple, dans la natation, c'est courant de se raser intégralement pour que l'eau glisse plus facilement sur la peau et donc meilleure pénétration dans l'eau. Allez, on finit un truc qui nous concerne aussi, nous, les lève-tôt, les matinaux, les réveils matins. Le manque de sommeil est bien plus dangereux que le manque de nourriture. Oui. Et ouais. Mais. Pourtant, je suis 100 fois plus agressif quand j'ai faim. Alors, dangereux pour toi, pas pour les autres. Si on ne se nourrit plus,

merci, mais dis-leur que je suis plus le même. Que depuis j'ai un fils, c'est aussi une femme qui m'aime. C'est ça, faut construire une famille, assurer sa descendance. Même si ce n'est pas encore mon heure, t'inquiète, chaque jour j'y pense. L'horloge tourne, les jours défilent, les années passent, nos vies changent. On évolue, chacun son destin, mais surtout chacun sa chance. Le temps passe et passe et passe, et beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement, se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le temps passe et passe et passe, et beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement, se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le temps passe et passe et passe, et beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement, se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le temps passe et passe et passe, et beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement, se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Neg Marron avec le titre Le Bilan. Vous êtes toujours dans la matinale de Fadjet. Vous êtes dans la 12e heure des 40 heures de live. Restez avec nous. On fait le bilan, nous aussi, on fait le bilan calmement, en ce moment, chaque instant. C'est un peu la thématique aussi. Le temps passe et passe et beaucoup de choses ont changé, mais pas la bonne humeur à Fadjet. Et ça, ça c'est formidable. Audeline, avec toi, on fait des fun facts. De choses à 40%. Ouais. Alors déjà, j'aimerais qu'on envoie des petits cœurs à Mehdi, comme ça, de même ouf. Si c'est de la radio, personne ne voit pas. Mais voilà, Mehdi, pour ceux qui ne savent pas, c'est notre accusateur du lundi. Jean-Michel Culpabilité. Ouais, Jean-Michel Culpabilité, la chronique à charge tous les lundis, avec souvent des stats autour des 40%. Voilà, donc si vous buvez votre café, entre 7h03 et 7h04, vous augmenterez votre stress de 40%. Par exemple, voilà, les stats que Mehdi sort. Ouais. Et du coup, mais comme on fait aussi les 40 ans de la radio, on fait un truc de tour des stats de 40% avec toi, Audeline. C'est ça, et beaucoup moins culpabilisant que ce que nous fait. Attention, hein, moi je suis la team bonne humeur, donc ça. Donc du coup, pour parler des 40%, je vous propose de vous raconter l'histoire de Marcel. Donc Marcel, c'est un homme comme tous les autres, enfin presque. Il le sait pas encore, mais il est sur le point de devenir un vrai cas d'école. Parce qu'aujourd'hui, il va vivre une journée où sa vie va être dictée que par des statistiques improbables à 40%. Donc il est 7h30, Marcel ouvre un œil, son réveil a sonné il y a une vingtaine de minutes, mais il fait partie des 40% de gens qui mettent un réveil plus tôt, juste pour le plaisir de snoozer. C'est incroyable. Il sait qu'il est plus fatigué que s'il s'était levé immédiatement, mais cette illusion de contrôle sur son sommeil, elle est vraiment trop précieuse. En sortant du lit, il étend un pied hors de la couette, puis il rentre vite, à cause du monstre sous le lit. Bah non. Mais on sait jamais. Parce que 40% des gens dorment avec un pied hors de la couette pour réguler leur température. Ah, yes. Mais pas trop longtemps, parce qu'on sait jamais. Ça fait flipper. Là. Une fois levé, Marcel se dirige vers le salon et la première dispute éclate avec sa copine. Elle est emmitouflée dans un plaid alors que Marcel, lui, il a déjà super chaud. 40% des disputes de couple commencent à cause du thermostat. Non, wow. Ouais. Mais c'est si drôle. La stat est folle. C'est ça. Tu baisses le thermostat, non, il fait trop froid. C'est okay, exactement. C'est bon. Et c'est qui va payer la facture à fin du mois, hein? Ouais, voilà, ça part comme ça. Incroyable. Finalement, Marcel baissera la température et s'éclipsera dans la salle de bain. Allez, une fois Marcel. Une fois qu'il est prêt, Marcel enfile son manteau et file vers la porte avant de rebrousser chemin. Il a oublié quelque chose. Bah ouais, 40% des gens oublient un objet essentiel en voyage. Oh là là, j'ai oublié un truc ce matin en partant en bah plus. Voilà, tu vois. Ah, je suis dans les 40%. Aïe, aïe, aïe. Rachidé, t'es dans les clous. Mais chez Marcel, lui, c'est tous les jours. Hein. C'est pas que quand il part en voyage. Aujourd'hui, c'est son chargeur de téléphone qui est resté sur la table du salon. Il envoie du coup un message à son collègue. Je pars dans 5 minutes. Bien sûr, c'est un mensonge. 40% des messages là sont faux. Et 40% des gens sont des mythos. Voilà. Et Marcel est un parfait exemple. Il est encore en train de chercher ses clés. Dans la voiture, il se rend compte qu'il voit pas bien le nom des rues. Solution évidente, baisser le volume de la radio. Parce que oui, comme 40% des conducteurs, il sait que réduire le bruit améliore instantanément la vision. On cherche pas la logique, mais ça marche pour j'adore. De vrai. À peine arrivé au travail, Marcel s'installe pour une réunion. Rapidement, il réalise que 40% des réunions pourraient se régler en un simple email. Oh, c'est tellement vrai. Marcel, oh là là. Ah, Marcel, tu seras mon héros du jour. Tellement. Les chiffres défilent sur le PowerPoint, tout le monde hoche la tête, mais personne n'écoute vraiment. Marcel fait semblant de prendre des notes alors qu'il regarde discrètement son téléphone. D'ailleurs, il vient de recevoir un message de son pote, mais il n'a pas envie de répondre. Il attendra quelques heures avant de dire « Oups, je viens juste de voir ton message !» Comme 40% des gens. Il a déjà ouvert et lu le message, mais il préfère prétendre qu'il l'a découvert bien plus tard. Après un repas rapide, Marcel se dirige vers le tiroir du bureau où il cache son chocolat. Il sait que 40% des gens avouent manger du chocolat en cachette. Mais il préfère croire qu'il est dans les 60% restants. Son collègue, qui l'a surpris en flagrant délit, ne manquera pas de le juger grave. Puis lors d'une discussion anodine, quelqu'un lui demande son signe astrologique. Il répond « Scorpion ». Et immédiatement, il voit les sourcils de son interlocuteur se froncer. « Waouh, t'es intense toi ». Comme 40% des gens, ce collègue le juge en fonction de son style astrologique. Waouh. Oui, ouais. Il y en a beaucoup. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est une question. C'est une question en société qu'on entend souvent. Moi, je le donne pas. Et je trouve qu'avant, on l'entendait pas autant et que maintenant, elle prend de plus en plus de place. Ouais, de fou. Comme si on définissait la personne à travers son. Mais je pense qu'aussi, l'ésotérisme prend de plus en plus de place. C'est un truc qu'on voit plus souvent dans les podcasts, etc. Reprendre la place, exactement. Marcel. Ouais. Alors Marcel, maintenant, il rentre chez lui après cette longue journée de travail. Il arrive chez lui. Sa copine l'accueille avec un regard suspicieux. Dis-moi que t'as pas regardé la série sans moi. Gêné, il hésite. Bah ouais, 40% des couples préfèrent regarder une série seule plutôt qu'attendre leur partenaire. Ah là là, terrible. Aïe, aïe, aïe. Oui, mais oui. Et il fait définitivement partie de cela. Mais il tentera de jouer de la comédie. Il attrape du coup la télécommande pour allumer la télé, mais rien ne se passe. Réaction instinctive, appuyer plus fort sur les boutons et taper dessus. Il sait que ça ne sert à rien, mais il fait quand même partie des 40% de gens qui pensent que forcer la pression magique peut réparer la technologie. J'adore. Et enfin, comme beaucoup d'entre nous, Marcel adore les animaux. Il appelle son chat pour qu'il vienne sur ses genoux, mais évidemment, aucune réaction. 40% des chats ignorent complètement leur nom. Et le sien est champion dans cette catégorie. Mais à l'inverse, au premier bruit du sachet de croquettes, là, le chat, il arrive direct. Ah là, c'est comme 100% des chats, là, il n'y a pas de 40. Là, c'est ça. Son chien lui semble plutôt attentif. Marcel lui dit « Viens, assis, et même gâteau ». Et là, le chien, il obéit à fond. Mais au moment où il dit bain ou vétérinaire, son fidèle compagnon regarde subitement ailleurs. Bah ouais, 40% des chiens comprennent tous les mots mais font semblant de pas entendre ce qui les arrange. Mais non, ouais. Finalement, un chien, c'est juste un ado. Ouais, ouais, c'est incroyable. Enfin, avant de s'endormir, Marcel repense donc à sa journée. Il réalise qu'il a passé son temps à courir après des petites décisions, à se laisser guider par des habitudes qu'il ne maîtrise pas vraiment. Mais peut-être que tout ça est une question de statistiques. Parce qu'il se dit qu'il appartient définitivement à ce groupe de 40% de gens qui croient qu'ils ont un contrôle total sur leur journée, alors qu'ils sont en réalité juste dans une routine de ouf, quoi. Mehdi, si tu nous écoutes, c'est toi. Mais au fond, il sourit. Après tout, il est loin d'être le seul dans cette aventure statistique. Et demain, sûrement, une nouvelle journée commencera avec 40% de chances qu'il oublie quelque chose d'important. Mais avec la certitude qu'au moins, sa vie ne manquera pas d'un peu de chaos et de rire. Merci Marcel d'être dans les 40. Elle était géniale cette Elle était géniale. J'ai envie de suivre les aventures de Marcel tous les jours. Petite question autour de la table. 40%, ça fait 2 personnes sur 5 autour de cette table. Est-ce que 2 personnes sur 5 se sont reconnues dans des choses qui sont arrivées à Marcel aujourd'hui? Sur certaines choses, oui. C'est plus je suis Charlie, mais c'est je suis Marcel. Nous sommes tous Marcel un petit peu au fond de nous. Mais ouais, il y a des trucs où je me sens grave dans les 40. C'est terrible. Qui regarde ces séries sans son conjoint ou sa conjointe? Pas moi, grave. Ouais, même si c'est une série que vous commencez ensemble? Oui. Ouais. Oh, ah, oui. Et ça fait 2 sur 5. Et nous sommes deux femmes. Faudrait voir si c'est 40% des femmes qui sont dans les 40%. Ouais, je pense que là, on explose les stats. Bon, il faut arrêter de faire ça, c'est pas cool. Hein. Parce que nous, on attend bêtement et voilà. Bref, peu importe, on aura ce débat hors antenne. On va rester dans le thème des 40% avec Aya Nakamura avec son titre 40%. Et oui, évidemment, on pouvait pas le rater. Et on revient juste après, on va parler cinéma. À tout de suite. Fadjet, 40 ans d'action locale et citoyenne. Mais je t'avais dit que j'étais sauvage. À vrai dire, je suis pas très sage. Et tu vois bien ce que je dégage. Je suis trop charismatique. Ah, tu connais quoi, elle veut me manipuler. Fais doucement, tu pourrais m'en douter. Je vois que tu galères à passer le step. Parler dans ma tête, c'est mort. Je t'envoie balader. Mais je t'avais dit que j'étais sauvage. À vrai dire, je suis pas très sage. Et tu vois bien ce que je dégage. Je suis trop charismatique. Tu kiffes mes timidiques. Il m'a dit, baby, ma pardon. Fais doucement. J'pète les plombs. Et comment? Et quand tu mens comme ça, jusqu'à 40%, tu fais la gueule, arrête-moi ça. C'était qu'un jeu redescend. Mais mon Dieu, que c'est doux à l'âge de mes J'sais pas pour qui tu m'as pris. J'ai capté l'attaque, j'ai crom pom pom. J'crois bien que tu l'as senti. T'as loupé le coche de la gâchette. Ça fait rom pom pom. Toc toc toc, mais qui va là? J'ai eu ma dose, stop. Qui va là? Tu t'approches, tu m'éloignes. Et maintenant tu veux deviner mes failles. J'suis trop charismatique. Tu kiffes mes diminiques. Il m'a dit baby, ma pardon. Fais doucement, pète les plombs. Et come on. Et quand tu mens comme ça, jusqu'à 40%. Tu fais la gueule, arrête-moi ça. C'était qu'un jeu retissant. Mais mon Dieu que c'est doux, voilà je mène à bout. Il est piqué, c'est pas compliqué. Bébé, pourquoi y'a tout? Pourquoi y'a tout? J'ai changé la donne, j'vais le dominer. Pourquoi tu mens comme ça? J't'en vas balader. Faut que tu cesses, j't'en vas balader. Pourquoi tu mens comme ça? J't'en vas balader. Faut que tu cesses. Et quand tu mens comme ça, jusqu'à 40%. Tu fais la gueule, arrête-moi ça. C'était qu'un jeu redescend. Mais mon Dieu que c'est doux, voilà je mène à bout. Il est piqué, c'est pas compliqué. Bébé, pourquoi y'a tout? Pourquoi y'a tout? J'ai changé la donne, je vais le dominer. Aya Nakamura avec 40% pour fêter les 40 ans de Radio Fadjet. Le cinéma sur Fadjet. Vous voyez pas, mais vous savez, il y a la voix qui dit le cinéma sur Fadjet, et après il y a une montée dans la musique, et je monte le micro en même temps. Bref, wow. On s'en fout. Dans ma tête, je suis Hans Zimmer. T'sais. Peut-être t'es vraiment le roi des transits. C'est clair, alors que je monte un bouton. Joshua, on reste salles obscures avec toi, mais aujourd'hui. On joue, et ça c'est trop bien, on fait un petit quiz sur les films qui fêtent leurs 40 ans cette année. Exactement, voilà, vu que c'est les 40 ans de Fadjet, je me suis dit, je vais chercher les films qui ont 40 ans cette année, donc les films sortis en 1985, et franchement il y en a pas mal, des assez connus, d'autres un peu moins connus, mais tout de même excellents. Et du coup, j'ai fait une petite sélection de quelques films, j'ai juste fait un résumé très succinct. Avec ça va être incroyable. Très peu d'informations, des fois je vais laisser des noms, parce que okay. Je pense pas que ce soit... Ça sera trop utile pour savoir, mais voilà, on va commencer avec un. Normalement, c'est un des plus connus, je Titanic. Trouve, de l'année. Non. Il abuse. Ce sera ma seule réponse tout. Quand je saurai pas, sachez-le. Mais bon, en 1985, un adolescent comme les autres mène une existence qu'il juge morne et ennuyeuse. Heureusement, il est épris de la jolie Jennifer et entretient. Retour vers le futur. Oui. Oh waouh! Est-ce que. Ça oh waouh! Wow, c'était le temps de parler du savant fou. Ah ok, ouais, effectivement. Monté dans le temps. Et effectivement. Voilà. Voilà. On embrasse tous les rouleurs de DeLorean qui nous écoutent. Parce que j'ai découvert que c'était une vraie marque de voiture qui en avait des. Okay. Il y en a des fois, j'ai déjà vu des DeLorean. Alors pas celle du doc, ouais. mais voilà, trop fou. Une fois j'en ai vu une comme dans le film, c'était. Ouais. Incroyable. Belle voiture. Hein, très stylée. Donc c'était Retour vers le futur qui fête ses 40 ans. Voilà, donc okay. C'était en 85, le film d'ailleurs qui se passait en 85. Mais oui d'ailleurs, il devait pas arriver en 2024. Eh ben si, ouais, il doit arriver là. On va croiser Marty McFly. C'est déjà fait, je crois. Ils sont déjà arrivés. Ils sont déjà arrivés. Ils ouais. sont déjà arrivés non, 2025, ah oui, on est en 2025. Ouais. C'est pas grave. Je suis encore bloqué sur les 39 ans de Fadjet. Allez, ensuite on a été 85, alors que les terribles Fratelli s'évadent de prison. Des gamins trouvent dans un grenier une carte au trésor menant à un pirate. Goonies. Ah non. Les Goonies. Les Goonies. Oh, je suis nul. On essaye. Je m'en dis, ils trouvent un jeu de société. Pas... Oui, bah, c'est un jeu, quoi. Ouais, oui, ça se tient. Les Goonies, un grand classique des années 80. Qui... Ah, je vais pas me faire des amis, mais il faut que je vous le dise. Je l'ai vu pour la première fois l'année dernière. Aïe, aïe, aïe. Et j'ai pas ça senti pas le truc. Ouais. J'étais en mode bon. Alors. C'est ok. Ouais. Je sais pas. Non, en vrai c'est compréhensible. Je peux comprendre. Ça ne choque pas tant que ça. Donc, Retour vers le futur, les Goonies qui fêtent leurs 40 ans aujourd'hui. Enfin, exact. Cette année, pardon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? 5 lycéens totalement opposés se retrouvent en colle un samedi après-midi. Au fur et à mesure que la journée passe, ils se trouvent des points communs. Oula! Quoi? Je vois le film, alors le titre m'échappe totalement. 5 lycéens qui se retrouvent en colle? C'est ça. Oui. American Pie. C'est ce que j'allais dire. Ça pourrait être. Bon, trouver des activités incroyables à faire pendant, pendant cette journée. Fini assez ferme le film. Non, c'était pas encore. Mais c'était. Il y a club dedans. Le club des cinq? Alors non. Ouais, c'est... Ouais, plus Fight Club. Fight Club. Fight Club. Non, non, c'est pas les adolescents Fight Club. Attends. C'est... Donc redis, 5 ados qui sont en colle et après ils se trouvent des points communs. Totalement opposés se retrouvent en colle un samedi après-midi. Au fur et à mesure que les journées passent, ils se trouvent des points communs. Et... J'ai vraiment fait ah, le... ah non, il y a possible. Club dedans, t'as dit. Oui. Je veux dire le cercle des poètes disparus, mais c'est pas ça du coup. Ce n'est pas celui-là, non. Eh ben, je n'en sais non. absolument rien. Je sèche aussi. Eh ben, c'était Breakfast Club. Ah, je l'ai pas vu. Ok. Celui-là était... C'était un film plutôt classique, mais c'est vrai qu'il n'y a pas souvent des gens qui l'ont forcément vu. Ok, donc Breakfast Club, donc c'est l'histoire de 5 ados qui sont en colle et qui sont copains après. Très bien. Ça doit être chouette. Ça a l'air bien. Ouais. En vrai, il est assez drôle comme film. C'est juste j'ai fait le résumé le plus mais succinct possible et imaginable. Tu dois être trop fort au jeu, il faut mal raconter les films. Bah, tu sais que j'ai pensé à ce jeu-là à la base et quand j'ai vu les films, j'ai essayé quelques-uns et j'y arrivais pas du tout. Celui-là, ça devrait aller. Champion du monde de boxe en titre, se consacre à son épouse et à son fils, mais un jour, un boxeur soviétique originaire du RSS, présenté comme le roi du ring, arrive aux États-Unis. Agacé par l'arrogance de ce nouvel athlète, un grand ami et ancien adversaire du champion décide de le défier, malgré les réticences de ce dernier. Est-ce que ce serait pas un acteur qui aurait joué dans Expendables? Je vois pas de quoi tu parles. Alors, c'est lequel des Rocky? C'est là la grande question. Voilà, ça c'est bien vu. Déjà, c'est Rocky, mais alors. C'est Rocky, et j'ai envie de dire Rocky. Balboa. C'est 3, non, je crois, avec Dolph Lundgren. Non. Non, c'est le 4 ? C'est le 4. Ah, okay. Rocky 4. Et mais en 85, on était déjà au 4ème Rocky. Ça allait, c'est une dinguerie. Ça allait ultra vite. Il faut savoir que Rocky ne sait absolument pas boxer. Hein. Si vous regardez un combat de boxe et vous regardez Rocky, vous le mettez dans un ring dans la vraie vie, pff, il tient 27 secondes. Ensuite, nous avons une famille en ménage dans la maison où vivaient Nancy Thompson et ses parents. Très vite, l'aîné des enfants commence à faire des cauchemars tandis que des phénomènes étranges secouent à son entourage. À n'en pas douter, il est de retour. C'est l'exorciste. Sisme. Non. Non. Ça ? Ouais, ça. Non. Oh, c'était bien vu. Là, ça parle de cauchemars. Ouais, cauchemars, etc. Là, cauchemar en cuisine, ouais. Le film. Avec Gordon Ramsay. Avec Gordon Ramsay. Il est de retour. Philippe Etchebest. Tiens, moi. Non, je sais pas du tout, tiens. Cauchemar ? Ouais. Ça se passe dans les rêves. Avec, c'est un film d'horreur. Ils ramènent pas aussi des religieux pour, on va dire. Non, il n'y a pas de bail de. Alors religion. Là, moi, je donne ma langue au chat, je ne sais pas du tout. C'est la revanche de Freddy, bien sûr. Waouh ! Ok. Wow. La suite des griffes de la nuit en 85. Ok, très bien. Un soldat purge une peine de prison lorsque son colonel lui donne la possibilité de sortir pour une mission délicate. Ah bon, on reste dans les... Avoir la preuve qu'il reste bel et bien des prisonniers américains au Vietnam. Supposé n'être qu'un observateur, il désobéit aux ordres et tente de sauver un prisonnier. Le responsable de la mission décide alors de l'abandonner en territoire ennemi, seul, sans armes. Il doit préparer sa vengeance et son retour au pays. C'est pas ma guerre. C'est pas... C'était pas la sienne. C'est Rambo. Oui, non. Lequel le oh, deux. T'abuses toi aussi. Le 2, du coup, j'imagine. Oui. Si c'est... La mission. Voilà, une année chargée hein, pour Stallone. Ouais, c'est avec clair. Rambo 2 et Rocky 4. D'ailleurs, Rambo, pareil. Hein. Vous vous étirez avec deux mitraillettes dans les mains. Normalement, il y a le recul, il est censé monter et lui, il bouge pas d'un centimètre. Non, il est très balèze, mais bon, quand même. Muscles, ouais, il faut. Les bibis, hein. Ouais, c'est ça vrai. Pas, ça. C'est vrai, c'est vrai. L'histoire de deux sœurs, Célie et Nettie, de leur famille. Qui a la particularité d'être de couleur noire au cours de la première moitié du XXe siècle dans le sud des États-Unis. Couleur wow. pourpre. Alors là, tu peux pas faire plus général. C'est que pas ça. La couleur pourpre. Bah voilà, oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Hein. je l'avais là. Ok, la couleur pourpre qui fête ses 40 ans. Ça en fait quand même des énormes classiques qui fêtent ah oui, 40 ans quand même. Hein. Voilà, il y en a vraiment beaucoup. 5, hein. T'en as encore un petit, puis on s'en gardera peut-être un ou deux sur le coude pour plus tard. Voilà, je vais en faire un petit dernier. Fais-en un facile. Facile. Ma culture cinéma prend cher là. Y a pas un Disney, un truc. Y en avait un, mais c'était pas du tout le plus connu en plus, donc super. Je l'ai pas pris. Bon allez, je prends celui-là. Afin de retrouver sa fille kidnappée, un membre des commandos se lance dans une guerre solitaire contre un gang de criminels en Amérique du Sud. Ce n'est pas Taken. Non. 85. Eh ben alors là, ça je ne sais pas. Ça. C'est un film avec l'ennemi juré de Stallone à l'époque. Pas Chuck Norris. Ah, c'est Schwarzy. Yes. C'est pas Terminator. Non. Ah, c'est pas Alexis Negros. Non. Non, c'est plus tard, l'Action Chain. C'est un super film, en tout cas. Commando. C'est Commando. Ah, bah oui. Alors, pareil, on parlait de scénario improbable. Ouais. Tu sais, les mitraillettes, Stallone, mais dans Commando, il y a des scènes qui sont un peu au départ dans le jardin. Oui, il y a deux, trois militaires qui doivent s'arracher les cheveux en voyant ça. Ah oui. Bon, c'est à base de boum, boum, boum, clac, clac, clac. On n'était pas sur le réalisme à l'époque. Hein. Ouais, non, vraiment pas. On est vraiment non, plus mais sur. C'est des films fun, quoi. Ça se regarde, point, et puis terminé, quoi. C'est ce que j'ai classifié avec mon cousin comme des films du dimanche où tu poses ton cerveau, tu le regardes le dimanche soir avant de démarrer la semaine sans aucun effort intellectuel. Ouais. Ça fait clic et ça fait boum, et tout le monde est content. C'est une belle catégorie. Et non, on va pas mettre clic, clic, pan, pan, pan, Camille. Je veux pas. Ah, parce que je te voyais et tout. Je te voyais partir. Juste avant 8h et le Flash Info, merci beaucoup Joshua. On s'en garde encore un peu pour tout à l'heure. On va reparler de cinéma un peu plus tard. On aura un top 5 et on fera un quiz en même temps. Bref, ça va être super cool. Juste avant 8h et les infos, on va s'écouter un petit peu de George Benson avec le titre Give Me The Night. Et pour ceux qui ne connaissent pas les plus jeunes, ça a été repris dans Price The Nice. Je m'appelle Brice. Exactement, avec l'énorme classique Je veux du cash que Bruno nous interprétera en fin d'émission. Allez, à tout de suite. 94 de service compris. C'est de 7h à 9h à l'occasion des 40 heures de live sur Fat Jet. George Benson avec le titre Give Me The Night. Vous êtes toujours dans la matinale de Fadjet. On est ensemble jusqu'à 9h. Votre dose d'énergie matinale, c'est sur 94.2 avec service compris, la matinale de Fadjet de 7h à 9h. Il est 8h dans la matinale, c'est l'heure pour nous de faire un point sur les infos. On commence ce flash avec les infos nationales et internationales. On part en République démocratique du Congo où l'ONU annonce l'ouverture d'une enquête sur les exactions commises dans le pays. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a donné son feu vert hier à l'ouverture d'une enquête sur les exactions commises dans le pays en proie à une offensive éclair du groupe armé M23 et des troupes rwandaises. Le projet de résolution présenté par la RDC a été adopté sans vote à l'issue d'une session extraordinaire par les 47 membres du Conseil. Kinshasa avait demandé cette réunion après que le M23, le mouvement du 23 mars soutenu par le Rwanda, a pris le contrôle de Goma, capitale de la province du Nord Kivu, région riche en ressources minières. Aujourd'hui, le monde tient à ce que la situation dans l'Est de la RDC puisse se terminer rapidement. C'est aussi le signe que le monde veut que les bourreaux puissent être connus et punis, a réagi le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya auprès de journalistes. C'est le signe de la solidarité mondiale à nos populations qui sont en train maintenant de vivre sous occupation rwandaise, a-t-il ajouté. Toujours à l'international, cette fois aux États-Unis, le président américain Donald Trump va signer un décret contre les pailles en papier. Donald Trump a annoncé vendredi sur son réseau social Truth Social qu'il allait signer un décret mettant fin à la promotion ridicule des pailles en papier par son prédécesseur Joe Biden en clamant « retour au plastique ». Le président américain est un climato-sceptique qui qualifie régulièrement d'arnaque la transition énergétique et qui a promis de doper l'exploitation d'hydrocarbures. Il a qualifié le changement climatique de canular. Dès le premier jour de son retour au pouvoir, Donald Trump a pris des mesures visant à doper la production d'hydrocarbures du pays, déjà premier producteur mondial. La nouvelle administration américaine a déjà annoncé fin janvier que les États-Unis, deuxième pollueur mondial derrière la Chine et premier pollueur historique, se retiraient pour la deuxième fois de l'accord de Paris sur le climat. On revient en France maintenant, où le député macroniste Belkir Belhadad quitte son groupe à l'Assemblée. Le groupe Ensemble pour la République compte un membre de moins à l'Assemblée nationale. Dans un entretien au Figaro publié ce vendredi, le député de Moselle, Belkir Belhadad, annonce quitter le groupe présidé par Gabriel Attal, désormais composé de 94 élus. Un départ que Belkir Belhadad a également annoncé à ses ex-collègues du groupe Ensemble pour la République, expliquant dans un message leur étant adressé que plusieurs désaccords de fond, notamment sur les questions migratoires, ne permettent pas de poursuivre notre aventure commune. Le vote par l'Assemblée nationale d'une proposition de loi pour restreindre le droit du sol et l'obtention de la nationalité française à Mayotte. Sur ce sujet, l'ancien socialiste et député depuis 2017 juge que la position du groupe de Gabriel Attal ne correspond pas du tout aux engagements qu'ils avaient pris lors des élections législatives dernières. On vient à l'info plus proche de chez nous, en Lorraine, on parle de transport, où le conseil métropolitain acte le financement de la liaison entre Nancy et Metz. La reprise de cette desserte TET, train d'équilibre du territoire, est devenue une réalité grâce à la participation financière importante consentie par la métropole du Grand Nancy, les conseils départementaux de Meurthe-et-Moselle et des Vosges, ainsi que la région Grand Est. Un soutien des collectivités s'établissant à 24 millions d'euros jusqu'en 2028. À partir de décembre 2028, l'État prendra en charge l'intégralité du financement. Ce retour constitue un enjeu clé pour la mobilité durable et l'attractivité du territoire, facilitant les déplacements entre la Lorraine et le sud de la France. L'engouement du public est déjà visible avec une fréquentation moyenne de 93% vers Lyon et 89% dans l'autre sens, a souligné la métropole du Grand Nancy. Et enfin, on finit ce flash avec un mot de culture, où le tournage d'une série est prévu à Nancy Thermal. Un des personnages phares de la série Camping Paradis a été tellement marquant que TF1 a décidé de lui dédier sa propre série, Monsieur Parizeau, campeur professionnel et enquêteur amateur. Un spin-off de la série de TF1 dans lequel on découvre la vraie vie de Monsieur Parizeau, interprété par l'acteur Patrick Parrou. L'un des épisodes se déroulera en Lorraine à Nancy Thermal, dans lequel Monsieur Parizeau séjournera dans le cadre d'une cure, un séjour qui n'aura rien d'une promenade de santé puisqu'il va devoir résoudre une nouvelle affaire. L'expérience de ce tournage réjouit déjà Didier Ringval, le directeur de l'établissement, qui était avec l'équipe de TF1 mercredi dernier. Ils ont visité plusieurs locaux de centres thermaux en France et ont choisi Nancy Thermal, a-t-il ajouté. Ravi de cette nouvelle. Retour des infos tout à l'heure à 8h50, un petit peu avant la fin de la matinale. Il est 8h05 avec toi, Oline. On fait le point sur la météo alors que les premiers rayons de jour se lèvent et pointent le bout de leur nez dans les studios de Fadjet. Exactement, le soleil vient de se lever. Il nous a offert un très beau spectacle avec des belles couleurs dans le ciel. J'ai tout raté, je suis dégoûtée. T'as tout raté, t'as pas la fenêtre. Donc aujourd'hui, les conditions météorologiques typiques de l'hiver. Les températures seront fraîches avec des maximales autour de 6 degrés et des minimales proches de zéro. Le ciel sera généralement nuageux avec de possibles averses éparses au cours de la journée. Il est également possible que quelques chutes de neige légères se produisent, notamment sur les zones les plus hautes du département. Le vent restera légèrement modéré. Et donc on vous conseille de sortir couvert et pour vous abriter de la pluie. Merci beaucoup, Lynn. Retour des infos tout à l'heure vers 8h50 en fin d'émission. Budget, c'est plus qu'une radio. Fadjet, c'est plus qu'une radio, c'est aussi des places à gagner pour des concerts à l'autre canal. Rendez-vous sur le site web de la radio www.fadjet.net dans la rubrique jeux et tentez de remporter vos places, non pas pour un mais pour deux concerts. Le premier aura lieu ce 14 février, histoire de passer une Saint-Valentin dans une super salle de spectacle avec un concert d'électro de luxe avec en première partie Johnny Jungle, ou alors le concert du mercredi prochain de Laura Cahen en duo, la chanteuse du coin qui revient avec un album en duo. Et ce sera à l'autre canal. Pour ça, c'est simple, www.fadjet.net dans la rubrique jeu. Petit formulaire à remplir, tirage au sort. Je parle en mots-clés, mais c'est pas grave. Et tenter de remporter ses places pour les concerts. On se fait une petite pause musicale dans cette deuxième heure de matinale. On va écouter un classique qui va vous réveiller en douceur ou pas d'ailleurs, ça dépend de votre énergie. On va écouter ABBA avec Dancing Queen et on revient juste après. Restez avec nous. ABBA avec le titre Dancing Queen. Vous êtes toujours dans la matinale Fadjet. On est ensemble jusque 9h. Fadjet, 40 ans de musique, d'actu locale et de bonne humeur. C'est les 40 ans de Fadjet. On parle de 40 ans de radio, mais avec toi, Camille, on va parler de la sexualité à 40 ans. Oui. Et ce que ça implique, et notamment de la déprise sexuelle. C'est ça. Donc la déprise sexuelle, je pense pas au final trop vous... D'accord, donc tu viens de gâcher toute mon intro, mais pas de soucis. C'est pas grave. Mais non, c'est un aspect assez théorique et je pense aller sur un axe un petit peu plus léger. Et en effet, on va encore et toujours parler de sexualité. Alors on a souvent cette image et cette injonction d'une sexualité active pendant notre jeunesse qui serait, comme on l'a déjà dit, hein, essentielle à la bonne santé d'une vie conjugale. Alors que le vieillissement, lui, il est souvent associé, on va dire, à une perte du désir sexuel. Alors voici ma question ce matin. Est-ce qu'à partir d'un certain âge, prenons celui de la quarantaine, vu que c'est, on va dire, la thématique du jour, il existe une forme de renoncement ou de diminution de la sexualité. Alors vieillir est souvent synonyme d'avancement en âge. Il se rapporte aussi aux changements biologiques, corporels, donc les rides qui apparaissent, certains troubles spécifiques ou l'arrivée de la ménopause chez les femmes. Donc la sociologie, elle s'est saisie de ce que l'on parle assez peu, c'est-à-dire la sexualité des vieux et les représentations négatives qu'elle peut avoir. Alors ici, pas d'inquiétude, hein, quand je dis vieux, je ne vise personne. On n'est pas vieux à 40 ans, on n'est pas vieux à 70 ans. Et comme dirait Bourdieu, la jeunesse n'a pas d'âge. Alors, pour reprendre, il est vrai que dans notre inconscient réside une certaine image négative ou décourageante d'une sexualité à un certain âge, comme l'arrêt de la sexualité, par exemple, après la ménopause, des pratiques qui seraient moins actives, plus fragiles ou plus lentes, et le fameux Viagra, hein, qui résoudrait tous nos problèmes. Alors, s'articule ici la question de l'âge et d'un renoncement à une sexualité, ce qui vient confirmer des logiques aussi de médicalisation derrière. Or, ces perceptions viennent renforcer cette injonction à une sexualité de plus en plus performante liée à une jeunesse. Ainsi, une étude américaine centrée sur l'activité sexuelle réalisée auprès de plus de 900 femmes âgées de plus de 40 ans, l'âge médian était à ce moment-là de 67 ans, conclut que la moitié de ces femmes sont sexuellement actives avec excitation, lubrification et orgasme maintenu jusqu'à un âge avancé malgré une faible libido chez un tiers d'entre elles. Surtout, il est précisé que la satisfaction sexuelle augmente avec l'âge et ne nécessite pas d'activité sexuelle. Donc, dans mon questionnement, il est essentiel également de prendre en compte la problématique du genre, car comme le disait Jacqueline Trincaze, le vieux beau peut encore séduire alors que la vieille femme est toujours ridicule dans un rôle de séductrice. Donc en effet, et comme on le voit souvent au cinéma, je pense que Joshua, tu pourras le confirmer, les hommes vieillissants sont caractérisés comme plus séduisants qu'une femme. Alors pourquoi une ride masculine serait-elle plus glamour qu'une ride féminine? Je vous pose la question. Mais cette distinction et représentation de l'âge se lie à une esthétique, une norme de beauté qu'on retrouve également dans la sexualité. Alors pour finir, mesdames, messieurs, ne vous rendez pas sur internet en posant la question jusqu'à quel âge on a le droit ou on peut faire l'amour. La seule limite, à mon sens, elle est sociétale. Donc suivez vos désirs, vos sentiments. Le plaisir reste neutre, lui, et il existe mille façons de se renouveler et de vivre sa sexualité. Le seul conseil est donc de vous dire que l'amour et le sexe n'ont pas d'âge. Et comme quoi, comme cette radio, qu'est-ce que c'est bon de vieillir ? Merci beaucoup Camille, effectivement qu'est-ce que c'est bon de vieillir, on va pas se mentir, et on dit pas qu'on vieillit, on dit qu'on prend de l'expérience. On est jeune depuis de la maturité. De quoi ? On est jeune depuis plus longtemps. On est jeune depuis plus longtemps, c'est pas mal effectivement. Merci beaucoup Camille, on va écouter Thérapie Taxi avec le titre It's All, un titre que j'ai pas entendu depuis un moment, pas de moins de 40 ans on va pas se mentir, mais en tout cas pas depuis un moment, et on revient juste après, à tout de suite, restez avec nous. Y'a les phrases que tu dis, les phrases de mec facile, les phrases que j'oublie, bourré dans la nuit, et ton corps qui se tord, seulement pour me plaire. Mais tu sais, moi je mens, tes rêves imaginaires. Y'a des bugs dans ma tête, tes rêves imaginaires. Y'a des bugs dans ma tête, quand j'écrase ma cigarette. Ici tout le monde déraille, t'es 100 fois trop, 100 fois trop bonne. T'as bugué nos entrailles, t'es 1000 fois trop, 1000 fois trop sexe. Continue à danser sur des hits sales. Si t'étais tout à moi, tu serais mon castal. Tu continues à danser sur des hits sales. Si t'étais tout à moi, tu serais mon castal. Tu te plonges dans dans l'abîme, du moindre de mes signes. Ma voix dans l'écouteur, qui murmure pour que tu meurs. D'envie dans la ville, à cramer notre idylle. Et je cours à l'aventure, je te laisse tes blessures. Y'a plein de courts-métrages dans nos têtes. Y'a tes caresses qui se rêvent sur mes fesses. Y'a plein de courts-métrages dans nos têtes. Y'a tes caresses qui se rêvent sur mes. Ici tout le monde déraille. T'es 100 fois trop, 100 fois trop bonne. T'as beugué nos entrailles. T'es 1000 fois trop, 1000 fois trop sexe. Tu continues à danser sur des hits sales. Si t'étais tout à moi, tu serais mon castal. Tu continues à danser sur des hits sales. Si t'étais tout à moi, tu serais mon castal. Y'a des centaines de guerriers prêts à tout tenter pour moi. À saigner pour la gloire de voir mon corps s'asseoir près d'eux. Une pensée viscérale qui finit par les rendre dingues. Mon odeur comme hôtel, les autres sont blasphèmes. Ici tout le monde déraille. Je suis 100 fois trop, 100 fois trop bonne. Ici tout le monde déraille. T'es 100 fois trop, 100 fois trop bonne. T'as peugué nos entrailles. T'es 1000 fois trop, 1000 fois trop sexe. Tu continues à danser sur des hits sales. Si t'étais tout à moi, tu serais mon castal. Tu continues à danser sur des hits sales. Si t'étais tout à moi, tu serais mon castal. Tu continues à danser sur des hits sales. Tout le monde est là. Tu continues à danser sur des hits sales. T'es 100 fois trop, 100 fois trop bonne. Tu continues à danser sur des hits sales. Ici tout le monde est là. Tu continues à danser sur des hits sales. T'es 100 fois trop, 100 fois trop bonne. Si t'étais tout à moi, tu serais mon casse-dalle. Hits sales de Thérapie Taxi. Debout, debout. On se lève avec 94.2 services compris. Vous êtes toujours dans la matinale de Fadjet. On est encore ensemble pendant 40 minutes, mais il y a encore plein de choses, mais je vous dirai tout ça à la fin. Bruno, avec toi, on fait un top 5, mais sur les événements historiques. Alors, oui, 5 événements historiques, mais on va parler au sens large du terme, c'est-à-dire on va parler politique, okay. On va parler musique aussi. Donc, ok. On va commencer par du scientifique, parce qu'on va fêter bientôt les 40 ans de la première greffe d'un cœur artificiel. Ah oui. Le 19 février, dans un hôpital de Louisville, dans le Kentucky, sur William Schroeder. Eh ben dis donc, je savais même pas que ça avait déjà 40 ans. C'est fou. Ouais, le 19 février, à quelques jours près, on est pile poil dedans. Dans 11 jours, eh ben c'est fou. Je sais pas si quelqu'un a une idée de si cet homme est toujours vivant ou pas. Il est mort il y a pas longtemps. Ok, bon, bah comme quoi, ça a tenu au moins 40 ans. L'arrivée de Mikhail Gorbatchev à la tête de l'URSS, donc avec le déclin qui va en suivre. Qui va en suivre, etc. Avec une fin en 91, et Yodlin qui s'est... Dans l'émission juste aïe. Avant, il parlait de la découverte du Titanic qui était un gros naufrage, mais il y avait un gros naufrage politique en même temps en 85. Ouais. Le Rainbow Warrior. Le Rainbow Warrior, oui, Rainbow c'est Warrior, vrai. Rainbow Warrior, oui, par les services secrets français en Nouvelle-Zélande, qui a créé donc un gros scandale international. On a eu un gros concert, le Live Aid, le 13 juillet 1985, avec organisé par Bob Geldof, alors qui avait la particularité d'être sur deux continents, le continent américain et le continent anglais, avec des gens comme Queen, Bob Dylan, Bowie. Ouais, c'est sympa la prod. Ouais, ouais, la prod, c'était... Ça vaut pas celle du JDM, mais c'est pas mal. Ouais. Et d'ailleurs, Queen avait livré vraiment son plus beau concert. Le plus beau concert. Oui. Tu peux me redonner le nom du festival ? Le Live Aid. C'était le pas un festival, Aid. C'était un concert caritatif pour l'avancée contre le sida, enfin prévention, tout ça quoi. Ok. Il y a eu le fameux morceau Eh oh, ouais, c'est ça ? Ah, tout le monde a chanté, oui. Ok, d'accord. Et on le revoit du coup dans le film. Ouais, dans le film. Ouais, dans le film Rhapsody, oui. Ouais, okay. Oui, ils reprennent vraiment les images quasiment. Oui, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ce qui finit le film. Je me demande si c'est pas une des scènes de fin du film où Rami Malek, je rappelle, a pris un Oscar pour cette interprétation de Freddie Mercury. Et la fin de la dictature militaire au Brésil, donc après 21 ans de régime militaire, le Brésil retrouve un président civil avec l'élection de Tancredo Neves. Brasil. Brasil, tu Brasil. Brasil, film qui date de 1985. Oh, c'est fou à quel point ça va vite dans cette émission. ça rebondit fort. Donc on a eu le Live Aid, l'affaire du Rainbow Warrior, Gorbatchev qui arrive au pouvoir en URSS. J'ai oublié. Le cœur artificiel. Le cœur artificiel et donc la fin de la dictature au Brésil. J'ai un truc qui fait parler portugais juste pour aller au Brésil et pouvoir flexer un petit peu. Merci beaucoup. On revient. T'as encore un autre top 5 pour nous, même un ou deux, je crois. Oui, un peu plus tard. Il y a du cinéma, encore de la musique. Bref, il y a encore des trucs qui se passent. Mais avant ça, on fête les 40 ans de Fadjet, c'est la 600e fois que je le dis, mais on fête aussi bientôt un anniversaire, et ça c'est Oline qui nous en parle, tout de suite. Fadjet, 40 ans à vos côtés. Oline, avec toi aujourd'hui, on va parler des 20 ans. Donc oui. C'est deux fois moins de 40, de la loi handicap. C'est ça, le 11 février, donc pareil, on est à quelques jours près, pile dedans. Donc ce sera mardi, Bruno. C'est ça. C'est pour toi. Donc le 11 février 2005, on a eu la grosse loi handicap, accessibilité, etc., qui s'est mise en place en France. Et donc, 20 ans plus tard, qu'en est-il ? Est-ce que ce qu'on nous avait promis grâce à cette loi est arrivé? Est-ce qu'on a encore des progrès à faire sur la thématique du handicap? Spoiler, grave. Est-ce que tu peux juste rappeler aussi aux auditeurs qui nous écoutent, c'est quoi ton métier? Alors moi, mon métier, je travaille pour un dispositif qui s'appelle Handi Loisirs 54, qui donc concerne tous les enfants du département 54. Et en fait, ma mission, c'est de mettre en place des projets d'accueil en inclusion pour les enfants dans les centres de loisirs. Voilà, donc voilà pourquoi tu es particulièrement sensible à cette loi handicap et sur l'accessibilité notamment. C'est ça. Donc du coup, la loi de 2005, donc on s'en souvient, c'était une vraie révolution. Hein. Elle a donné des droits supplémentaires, notamment à l'accès à l'éducation pour les enfants, qui peuvent aujourd'hui maintenant fréquenter les écoles ordinaires avec l'aide des AESH, donc les accompagnants des élèves en situation de handicap. Donc ça, c'était un pas important, mais qui n'est pas encore parfait. Hein. Il manque de la formation pour les enseignants et surtout des moyens. Hein, les enseignants dans les masters qui sont donnés à l'INSPE, ça représente que quelques jours de formation sur les 2 ans de master, donc c'est clairement insuffisant. Côté emploi, certaines entreprises s'engagent davantage en faveur de l'inclusion professionnelle des travailleurs handicapés et il existe des aides pour encourager cette dynamique. Du côté des transports et des infrastructures publiques, la situation s'améliore également. Il y a plus de rampes d'accès, il y a plus de bus adaptés et dans les grandes villes, il y a des efforts qui sont notables. Vous avez peut-être croisé en ville au passage piéton. En plus d'avoir le petit bonhomme vert, des fois il y a des petits bip bip bip ou des petits trucs comme ça. Il y a aussi des voix aussi, fois il y a des feux qui parlent, c'est surprenant parce que des fois ils parlent d'un coup. Oui. Je sais pas trop d'où, mais oui, effectivement. C'est ça. Et puis sur les travaux du nouveau trolley aussi, on voit que tous les arrêts de bus sont surélevés pour pouvoir être à la hauteur et pouvoir permettre l'accès au bus pour tous. Ouais, c'est ça. Mais donc malgré ces quelques progrès, la réalité du terrain est encore loin de l'idéal. Donc on prend l'emploi par exemple, le taux de chômage des personnes handicapées reste 2 fois plus élevé que celui de la population générale. Et c'est pas une question de manque de volonté, il y a encore beaucoup beaucoup de discrimination. En 2021, il me semble que le handicap c'était encore la première cause de discrimination à l'emploi. À l'emploi, ouais. Des préjugés, des entreprises qui hésitent à recruter des personnes handicapées, souvent par manque de compréhension de leurs besoins ou à cause de l'absence d'aménagement adapté. Dans les lieux publics et privés, c'est pas encore gagné non plus. Si dans les grandes villes, les infrastructures se sont améliorées, dans les zones rurales, y a quasiment rien. Des commerces, des maisons, des transports restent encore inaccessibles, ce qui limite fortement l'autonomie de ces personnes-là, qui peuvent donc pas circuler librement ou accéder à des lieux publics sans aide. L'autre défi à relever là actuellement, c'est tout ce qui touche au handicap invisible. On parle beaucoup du handicap moteur, sensoriel, troubles cognitifs, mentaux, psychiques, eux restent souvent invisibles. Donc pour rappel, le handicap invisible, c'est un handicap qu'on ne voit pas de prime abord. Une personne handicapée moteur, on voit son fauteuil, on comprend qu'elle est en situation de handicap. Une personne sourde, on ne peut pas forcément le voir tout de suite. D'ailleurs, j'ai une amie qui fait son doctorat là-dessus, sur la question du handicap invisible dans les universités. Ah, trop bien. Ouais. Sur l'accessibilité, etc. Ok, excellent, génial. Donc du coup, bien souvent, ces personnes-là se retrouvent dans l'ombre, soit par manque de reconnaissance, soit parce que les solutions existantes ne répondent pas à leurs besoins spécifiques. Donc là, je vais m'intéresser un peu plus sur une dimension qui nous concerne un peu tous, l'inclusion et l'accès aux loisirs et à la culture. Sortir, s'amuser, participer à la vie sociale, c'est essentiel pour tout le monde, et là aussi, des progrès sont faits. Des musées, des cinémas, des festivals commencent à proposer plein de solutions pour que les personnes en situation de handicap puissent en profiter. Par exemple, les audiodescriptions au cinéma, les interprètes en langue des signes pendant les concerts. D'ailleurs, l'NJP on fait ça pour la première fois cette année, c'était vachement ouf. Parce que le chant signé, c'est très très compliqué. Ouais, bah ouais, j'ai vu le concert d'Olivia Ruiz qui fait pareil. Oui. Ah, ouais, génial. Notre canal, du coup. Ouais, donc ça, c'est trop bien. Sans oublier aussi, il y a des gilets avec des vibrations aussi. Ça, c'est assez ouf. Ouais. Mais donc, c'est encore trop souvent une option, hein. C'est pas encore une norme. Hein. Donc, combien de fois avons-nous entendu qu'un lieu est malheureusement pas accessible ou qu'un événement n'a pas prévu de solutions pour les personnes handicapées ? C'est là qu'il faut intensifier vraiment les efforts, parce que l'inclusion, c'est pas seulement question d'accès à l'école ou à l'emploi, c'est aussi pouvoir participer à la vie culturelle, sociale et sportive. Donc, est-ce qu'on a des solutions ? Le gouvernement a lancé un plan l'année dernière en 2024 avec plusieurs objectifs pour aller encore plus loin. Par exemple, plus d'AESH pour les enfants à l'école, une meilleure accessibilité dans les transports, des aides renforcées pour l'emploi et surtout une simplification des démarches administratives. L'idée est de mettre en place un guichet unique pour éviter les démarches interminables et les multiplications de dossiers, etc. Mmh. Donc, il est clair que ces mesures vont dans le bon sens, mais il est aussi évident qu'elles doivent aller plus vite et être plus visibles pour toucher vraiment toutes les personnes concernées. Donc aujourd'hui, hein, finalement, pour conclure, hein, l'inclusion des personnes handicapées en France, c'est une belle promesse, mais la réalité est encore trop marquée par des inégalités et des obstacles. Donc en gros, 20 ans plus tard, il y a des choses qui sont faites, mais il y a encore énormément de chemin à parcourir. D'arriver à ce qu'on vise. Pardon, j'ai beaucoup de mal à dire une phrase aussi simple. Merci beaucoup, Lynn. En tout cas, les 20 ans de la loi handicap, ce sera le jour officiel. Ce sera le 11 février. Ça, donc on va pas. Je sais pas si on souhaite un bon anniversaire à une loi, mais en tout cas, on souhaite pas un bon anniversaire en avance dans tous les cas. Donc, donc on oublie. Merci beaucoup, Lynn. On va écouter Stevie Wonder avec le titre Isn't She Lovely. Et on revient juste après. Restez avec nous. Making Stevie Wonder avec le titre Isn't She Lovely. 94.2 services compris, la matinale de Fadjet, votre rendez-vous info 100% positif. Et c'est le retour du top 5 avec toi, Bruno. Ouais, là on va parler un peu cinéma. Et alors, pour pas marcher sur les plates-bandes de mon ami qui est en face, j'avais préparé un top 5 des films les plus marquants, mais finalement je vais partir sur un top 5 du nombre d'entrées. Ah, oh, ok, trop cool. Let's go. Donc, bon, un des films que tu as parlé qu'on va retrouver, c'est Rambo 2 La Mission, qui a fait 612 000 entrées en France. Hein, uniquement en France, hein, on parle. C'est pas mal. On a quand même trois films français dans le top 5. Il y a Les Spécialistes, avec Giraudot et Lanvin. Je l'ai pas. Ouais, c'est un film polar classique français. Ok. Qui trouve bien, qui est... 270 000 entrées, j'arrondis. Hein. Il y a un des classiques du cinéma français, Trois hommes et un couffin, qui a été refait aux États-Unis quelques années après, avec 824 000 entrées. Pas mal du tout, ah, ça. Ouais, bah, presque 825 000 d'ailleurs. Et Les Ripoux. Ah, yes. 407 000. Et un film américain avec notre ami Axel Follet, le premier volet de Flic de Beverly Hills. Ah, ben oui, avec Eddie Murphy. Voilà. Dont la voix. Non, c'est la voix française d'Eddie Murphy qui s'est éteinte ou celle de Nelson Mandela? C'est la voix de Nelson Mandela. Morgan Freeman, pardon. Ah oui. C'est la voix française de Morgan Freeman. Il a tellement bien joué Nelson Mandela dans Invictus que j'arrive pas à dissocier les deux. Totalement. Oui, mon cerveau, il veut pas faire la différence. Donc, qui a fait, lui, 827 000 entrées. Donc pour le Flic de Beverly Hills, avec ce bon vieux Donc les Eddie deux Murphy. Plus gros films en entrée français, c'est le Flic de Beverly Hills et Trois hommes et un couffin. Ouais, ça se tient en même devant temps. Rambo, mais largement. Bon, Rambo, c'est bien, il a la santé. Enfin, il a la santé. Quand il revient de la guerre, oui, ça va. Ça va. Ça va, il a pas l'air trop mal. Merci bien. On va rester dans le cinéma et on va écouter Joshua, parce qu'on a encore des films à deviner. On a été très nuls la première fois. Oui, j'espère qu'on sera genre juste nuls. Mais bon... Ouais, j'en ai encore quelques-uns. Alors, on parlait de Disney tout à l'heure, donc je suis allé chercher quand même un petit résumé du Disney de l'année 85. Yes. Merci. Minuches comme ça, là. Grave. Alors, au cœur du pays de Pridin, un jeune garçon de ferme se porte volontaire pour une mission héroïque. Équipé d'un glaive aux propriétés magiques, il doit empêcher le perfide seigneur des ténèbres de tirer profit des pouvoirs surnaturels d'un mystérieux chaudron magique. Ah, yes, c'est Taram et le chaudron magique. Voilà, tout le monde attendait le mot chaudron, je crois. Grave. Après, en fait, quand t'as parlé d'épée et je sais pas quoi, je me suis dit, c'est le seul qui me vient à l'esprit comme ça. Moi, j'ai dit Merlin l'enchanteur. En fait. Ouais, il y a potentiellement celui-là. J'y ai pas pensé. Après, j'ai entendu chaudron, j'ai fait. Je suis pas du tout sur la chaudron. Merlin, c'est un magicien. À tout moment, il a un chaudron quelque part. Possible, mais voilà, oui, c'était Taram et chaudron magique qui est vraiment très peu connu, je trouve. Ouais, c'est pas celui dont on parle le plus. Bah, en même temps, il est assez sombre. Il est très dark. Disney, est très dark. Ouais. Pour un enfant, c'est assez compliqué, je pense. Ouais. C'est le dark side de Disney qui sort. Ensuite, nous avons les morts vivants ont envahi la planète après un cataclysme nucléaire. Ah non. Pas du tout. Pas non, du tout. Pas du tout. Je me suis grave emballé. Tchernobyl ? Non. Un groupe de savants et de militaires a échappé au massacre. Ils ont réussi à se mettre à l'abri dans un silo, mais des dissensions apparaissent quant au choix à faire. Deux solutions se présentent, fuir ou tenter de contrôler les zombies. Quoi ? Alors les deux solutions sont assez improbables. Ça existe la nuit des morts vivants ? Oui, oui, ça existe. Oui, ça existe, ouais. C'est celui-là. Presque ça. Bienvenue à Zombieland. T'as vraiment la bonne façon de dire le titre, mais c'est pas La Nuit des Morts Vivants. Eh bah, The Night of the Walking Men. Non, ça reste toujours en français. Je pense que c'est la meilleure réponse possible, même si c'est pas le film, mais le fait de l'avoir traduit, c'est trop bien. Je sais pas. Mais du coup, c'est Le Jour des Morts Vivants. Ah, c'est pour ça que tu étais vraiment... T'étais dans la bonne thématique, près, quoi, ouais. Finalement. T'es resté au début de la matinale, c'est ça le problème, Adeline. Alors, celui-là était assez personnel. Je savais pas qu'il était sorti en 85, ce film. C'était quelque chose que j'adorais quand j'étais enfant. Londres, en 1870. Un jeune homme fait son entrée dans une nouvelle école. Il y rencontre un autre adolescent à l'esprit de déduction très développé. Très vite, ils se lient d'amitié et sont conduits à mener leur première enquête sur une série de meurtres étranges survenus à la suite d'hallucinations épouvantables. Ah, suite d'hallucinations. Alors là. Ah, comme il marchait à la coke. Sherlock Holmes, effectivement. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ouais. À l'opium aussi, il était un peu. Il avait des petits problèmes d'addiction, notre ami Sherlock. Qui n'a d'ailleurs jamais prononcé la phrase élémentaire, mon cher Watson. Eh non, ça n'existe pas, ça. C'est une légende urbaine. Ouais. Mais du coup, le film, aucune idée. Détective Conan. Non. Ouais, j'y ai pensé. On était bien sur Sherlock Holmes, mais le film, c'est Le Secret de la Pyramide, en fait. Ah oui. C'est Watson et du coup Sherlock Holmes, mais jeune. Ils sont à l'école et c'est un peu leur première enquête. Quoi. Ça a l'air d'être trop cool. Quand même. Ouais, ça a l'air trop bien. Sous les radars à l'époque d'ailleurs. Est-ce que ça vous tente pas? En vrai, moi j'aimerais bien faire un retour en arrière et vivre des aventures comme ça de ouf. Où tu mets des enquêtes pour savoir qui a volé la gomme de la 4ème B, tu vois. Par exemple. Bref, voilà, je m'égare. La gomme qui donne des alus et tout. Ouais. Tu croques un bout de gomme, tu croques un bout de gomme, tu pars sans Neptune. Tu sniffes les marqueurs là. Ça, c'est vrai. La colle. C'est vrai. La colle, aussi, la colle. Ouais. Moi, je la mangeais à l'époque. Et ben voilà. Ah ouais. Je suis. Ça a bien changé, les colles. Joshua, est-ce que t'as un autre film encore pour nous? Il m'en reste encore deux. Ah bah on va faire les deux. On est toujours très nuls, hein, je tiens à le dire. On est vraiment pas ouf. Hein. Bah, c'est pas forcément facile. Hein. Je donne des résumés un peu les plus éclatés possibles. Ils sont bien éclatés, c'est très efficace. Voilà, j'ai pas fait en sorte que ce soit facile en gros. Alors pour l'avant-dernier, on va avoir beaucoup de noms parce que je pense que ça aidera absolument personne. Vas-y, on t'écoute. Lily, jeune et jolie princesse, est convoitée à la fois par Jack, jeune homme proche de la nature, et par Darkness, véritable incarnation du mal, qui ne rêve que de plonger le monde dans une nuit éternelle en tuant les deux licornes protectrices. Mais quoi ? Underworld ? Non. Mario. C'est le tout premier film de Tom Cruise. Wow. Ouais, c'est Labyrinthe ou un truc comme ça. Non, c'est pas Labyrinthe. Ça commence par un L, mais ce n'est pas Labyrinthe. Non, c'est... Enfin, je vois le film, je vois l'affiche. Mais... Le film avec Tom Cruise. Oui, le film de Ridley Scott avec Tom Cruise. Avec, du coup, une thématique qu'on retrouve dans son film après, dans Blade Runner, sous forme d'origami. Plus t'en rajoutes, moins je le trouve. Mais quand il va donner le titre, je vais dire, mais oui, c'est bien sûr, parce que je l'ai en tête, je vois l'affiche, je vois le film, alors le titre... Attends, est-ce que tu peux nous redire le résumé, s'il te plaît, parce qu'il était vraiment particulièrement éclaté, celui-là. Parce que le nom des personnages n'est encore moins, genre, ouais, qui s'appelle Darkness, en 85. Un grand méchant, bien sûr. Bah oui, de fait. C'est même le titre d'un film, d'ailleurs, Darkness. Alors, Lily, jeune et jolie princesse, est convoitée à la fois par Jack, jeune homme proche de la nature, et par Darkness, véritable incarnation du mal, qui ne rêve que de plonger le monde dans une nuit éternelle en tuant les deux licornes protectrices. Moi, c'est les licornes qui me fascinent. J'avoue, mais alors là, je sais pas du tout. Ouais, c'est un film d'Eric Fantasy un peu. Personnellement, j'abandonne. Et bah, c'est Legend. Legend. Ok. Vraiment, voilà, tout premier film de Tom Cruise. On peut voir vraiment tout jeune, en train de ride des licornes, quoi. Enfin... en train de ride des licornes. J'ai le tableau, c'est exceptionnel. C'est un film d'Eric Scott. Petite info handicap, Tom Cruise est dyslexique. Ok. Ouais. Ah, ça je savais pas. Voilà. Et bah, ça doit être une bonne galère pour apprendre des textes. Avec lui. C'est pour ça qu'il a très peu de dialogue. C'est pour ça qu'il fait des films où il se tape dessus. Et enfin, le tout dernier, celui-là je l'aime bien. Adolescent sympathique et enjoué, Scott Howard sent grandir en lui des appétits nouveaux et passe par d'étranges crises au cours desquelles il se transforme en loup-garou. Teen Wolf. Oh, c'est oui. Paul. Wow. C'est vrai. Arrête. Oui. Banger, genre. J'ai pris celui-là parce que c'était Michael J. Fox, l'acteur, donc il a fait Retour vers le futur et Teen Wolf la même année, donc année chargée. Hein. Comme Et du coup, la série, ça reprend exactement le même pitch parce que... Ah non, c'est l'acteur qui s'appelle Scott de Teen Wolf, la série. Enfin bref. Peut-être. Voilà. Alors, je sais pas s'ils reprennent le même pitch ou si c'est une suite, mais oui, c'était bien Teen Wolf. Je savais même pas que ça existait depuis 85. Moi, je connaissais que la série. Oui, bah, je pense comme beaucoup. Hein. Bah, ouais. Très bien. Eh ben merci beaucoup Joshua, tu as anéanti ma culture cinématographique et je ne te remercie pas. Eh ben je t'en prie. On fait une petite pause musicale, on va écouter Ed Sheeran avec le titre Shape of You et on revient juste après, restez avec nous. Fadjet, 40 ans d'ondes positives. Isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. Mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up your plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And leaving, getting a taxi, kiss in the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. My heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Shape of You de Ed Sheeran, vous êtes toujours dans la matinale. Juste avant de reprendre avec un nouveau top 5, j'aimerais saluer deux personnes qui nous écoutent, en tout cas une de sûres, c'est Valentine de la matinale lundi qui nous écoute ce matin. Valentine. Et on embrasse naturellement Toutoune. Le nouveau boss Toutoune qui nous a laissé un petit mot sur la photo de la matinale en disant il y a beaucoup de monde du lundi dans cette matinale spéciale. Et aussi tous les auditeurs et auditrices de Fadjet, naturellement, on vous fait des bisous, on vous embrasse, on vous souhaite une belle journée à tous, mais particulièrement à Valentine et à Toutoune. Ceux qui savent, savent. Ceux qui savent pas. Ceux qui savent pas, fallait savoir. Bruno, avec toi, on va faire un petit tour des anecdotes qui concernent la Lorraine. Ouais, les informations Lorraine en 85, c'était assez catastrophique quand même. La seule bonne nouvelle, c'est la Ligue des Champions de... Le déclin minier de la Lorraine avec la fermeture déjà de deux mines à Mermont et Joudreville. Ok. La catastrophe du puits Simon à Forbach, dont on va fêter les 40 ans, commémorer plutôt. Commémorer les 40 ans. C'est le 25 février 85. Ok. 22 mineurs qui sont morts dans ce puits. Par contre, fondation de la société Holitech. Holitech, c'était le spécialiste dans les modems pour ceux qui ont connu la DSL. Donc personne autour de cette table. Voilà, donc. Et qui continue d'ailleurs à. Il me semble que la société existe encore. Donc ça a été créé en 85 à Nancy. Ok. Okay. La même année, en 85, il y a la création de l'Association des Amis du Musée de l'École de Nancy. Mmh. Là, c'est le nom d'association le plus long de l'histoire. Alors, l'acronyme, c'est AAMEN. AAMEN, ok. Mmh. L'Association des Amis du Musée de l'École de Nancy, c'est ça. Très bien. Et puis, dans Quatenone, on installe le plus grand pendule Foucault du monde pour prouver la rotation de la Terre. Ok. Ok, où ça? Dans la centrale nucléaire de Quatenone. Ok. Quatenone, ouais. Okay, au cœur de l'aérofrigérant. Près de Thionville. C'est oui, ça. Tout à fait. Waouh. La première sur la sexualité et sur les centrales nucléaires, visiblement, Camille. Nancy accueille le réalisateur Andrzej Żuławski, qui a choisi Nancy comme lieu de tournage pour son film L'amour braque. Alors, tu l'as vu, Joshua? Non. Et voilà, dans ta face. Il nous manquait un film. Voilà. L'amour braque, et tu peux redonner le nom du réalisateur parce que je ne m'amuserai pas à le retenter. Andrzej Żuławski. Ah oui. Maintenant que tu le dis, c'est clair comme de l'eau de roche. Moi non plus, je l'ai pas vu, d'ailleurs, le film. Bon bah super, personne ne l'a vu. Mais bon, effectivement, un peu catastrophique cette histoire. La bonne nouvelle, c'est cette histoire de tournage finalement. Et puis tu as dit qu'on allait commémorer les 40 ans d'un drame minier du côté de... De Forbach. Du côté de Forbach. Moselle-Est. Merci Nat Geo Wild. On terminera sur des anecdotes un peu plus légères. Oui, on finira sur de la musique tout à l'heure. Ce sera juste après les infos. D'ailleurs, les infos, c'est tout de suite. 94.2, service compris. Votre matinale sur Fadjet. Et on commence ce flash avec les infos nationales et internationales. On parle de l'Union européenne. Au Parlement, la gauche et le centre fustigent les sanctions de Donald Trump contre la Cour pénale internationale. Le président américain a signé jeudi un décret imposant des sanctions à la Cour pénale internationale, basée à La Haye, aux Pays-Bas. La CPI a notamment pour mission de juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Son procureur avait donc lancé en novembre dernier un mandat d'arrêt contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Une attaque contre un allié proche, estime Donald Trump, qui reproche à la CPI d'avoir mené des actions illégales. Le président américain qui s'engage donc dans la voie des sanctions. Il a notamment interdit l'entrée aux États-Unis à ses dirigeants, employés et agents et prévoit de geler tous leurs avoirs détenus dans ce pays au grand dam de l'Union européenne. Le décret de Donald Trump ne vise pas seulement les magistrats. Quiconque aurait pu apporter son aide aux travaux de la Cour pénale internationale est également visé, ce qui fait craindre des effets collatéraux pour les prestataires de la Cour dans les domaines informatiques, bancaires ou encore d'autres, qu'ils soient américains ou non. Toujours aux États-Unis, cette fois maintenant, on va parler un peu d'aviation. Un avion transportant 10 passagers est porté disparu. Il devait effectuer un vol d'à peine 230 km mais a disparu avant d'arriver à destination. La dernière trace d'un petit avion transportant 10 personnes en Alaska remonte à 40 minutes après son décollage jeudi dernier selon les services de suivi des vols Flight Radar 24. Il se trouvait à ce moment-là au-dessus de l'eau. L'appareil, un Cessna Caravan de la compagnie Bering Air, qui avait à son bord 9 passagers et un pilote, a été signalé en retard vers 2h, heure de Paris, selon la police et les pompiers. Il reliait les villes de Unalakleet à Nome, distante d'environ 235 km à travers le Norton Sound, une baie de la mer de Bering bordant l'Alaska. Le régulateur américain de l'aviation, la FAA a émis un avis d'alerte de recherche et de sauvetage vers 15h20 heure locale jeudi dernier, a-t-il fait savoir à l'AFP. Les gardes-côtes américains ont envoyé un avion C-130 pour aider à localiser l'avion disparu, selon les pompiers de Nome. Enfin, en France, plusieurs titres de presse engagent une poursuite contre un site d'information généré par l'intelligence artificielle. Une quarantaine de titres de presse, dont Libération, ont engagé des poursuites contre un site d'actualité sans rédacteur utilisant l'intelligence artificielle pour récupérer une partie de leur contenu. La plainte suit une enquête de Libération et du média en ligne spécialisé Next, répertoriant plus de 1000 sites d'information au mode opératoire similaire. Les groupes de presse, estimant qu'il s'agit d'une contrefaçon qui porte atteinte à leurs droits d'auteur et leurs droits voisins, souhaitent bloquer l'accès au site dans un délai de 15 jours. Face au vol massif de leurs articles, Libération et les groupes de presse, La Dépêche du Midi, Sud-Ouest, Publié Hebdo, La Montagne, Le Télégramme et La Nouvelle République du Centre ont décidé de saisir la justice pour obliger les fournisseurs d'accès à Internet à bloquer le site news.dfr.com sur le territoire français, déclare l'article annonçant la procédure paru vendredi dernier dans Libération. On poursuit ce flash plus proche de chez nous, en Lorraine. On parle maintenant de transport, où le conseil métropolitain acte le financement de la liaison entre Nancy et Lyon. La reprise de cette desserte TET, train d'équilibre du territoire, est devenue une réalité grâce à la participation financière importante consentie par la métropole du Grand Nancy, les conseils départementaux de Meurthe-et-Moselle et des Vosges, ainsi que la région Grand Est. Un soutien des collectivités s'établissant en 24 millions d'euros jusqu'en 2028, à partir du 28 décembre 2028, l'État prendra en charge l'intégralité du financement. Lors du conseil métropolitain, la métropole du Grand Nancy a acté jeudi dernier sa part de financement s'élevant à 1,8 million d'euros, soit 450 000 euros par an, à égalité avec le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Ce retour constitue un enjeu clé pour la mobilité durable et l'attractivité des territoires, facilitant les déplacements entre la Lorraine et le sud de la France. L'engouement du public est déjà visible avec une fréquentation moyenne de 93% vers Lyon et 89% dans l'autre sens, souligne la métropole du Grand Nancy. Et enfin, on finit avec un mot de culture où le tournage d'une série est prévu à Nancy Thermale. Un des personnages phares de la série Camping Paradis a été tellement marquant que TF1 a décidé de lui dédier sa propre série. Monsieur Parizeau, campeur professionnel, enquêteur amateur. Un spin-off de Camping Paradis dans lequel on découvre la vraie vie de Monsieur Parizeau, interprété par l'acteur Patrick Paroux. L'un des épisodes se déroulera en Lorraine à Nancy Thermale où Monsieur Parizeau séjourne dans le cadre d'une cure, un séjour qui n'aura rien d'une promenade de santé puisqu'il va devoir résoudre une nouvelle affaire. L'expérience de ce tournage réjouit déjà Didier Ringwald, le directeur de l'établissement qui était avec l'équipe de TF1 mercredi dernier. Ils ont visité plusieurs locaux de centres thermaux en France et ont choisi Nancy Thermale, a-t-il ajouté, ravi. Prochain point sur les infos, plus tard dans la journée. Alors qu'il fait jour et que l'équipe de Multitube est dans les starting blocks, je les vois là qui s'affairent juste à côté de nous, ils sont prêts à entrer dans les studios. On a encore 9 minutes, après promis on vous laisse la place. On fait un point sur la météo avec toi, Audeline, et sur les premiers rayons de jour qui apparaissent. Ouais, rayons de jour et pas rayons de soleil parce que le ciel va rester très nuageux aujourd'hui. Hein. Les températures seront fraîches avec des maximales autour de 6 degrés, des minimales proches de zéro. Peut-être même quelques petites averses durant la journée, aussi possiblement de la neige sur les hauteurs. Un petit peu de vent également, donc n'hésitez pas à vous couvrir avant de sortir. Merci beaucoup Audeline. En tout cas, et pire, si vous sortez pas, vous pouvez toujours écouter Fadjet toute la journée, puisqu'on en a encore jusque demain, vous allez en prendre plein les oreilles jusque demain à midi. D'ailleurs, je vais vous annoncer un peu le programme du week-end. Aujourd'hui sur Fadjet. Aujourd'hui sur Fadjet, donc on est là, ils sont là depuis hier, nous sommes là, nous les bénévoles, on est là depuis hier. Vous allez retrouver tout à l'heure, juste après nous, à partir de 9h, Multitube avec Fred, Emma, Frédéric et Yannick. Vous allez retrouver à 10h le Shabbat d'Alex, de la matinale du mercredi avec Sue Hélène. À 11h, discothèque classique. À midi, vous allez retrouver Fabienne et Yves pour des heures d'animation. Vous retrouvez European Roll, Geek World, en passant par la Lorraine, Docteur Disco et Mr. Funk, j'adore ce nom. La musique dans le temps à 21h avec Mike qui nous écoute. Club Sensation, Club Trans, de la musique, de l'info, de l'actu, de la bonne humeur. Bref, la prog de Fadjet pour ses 40 heures, elle est gainée. On dirait finalement Rambo. On dirait finalement Rambo. Bref, vous avez tout ça pendant encore, je ne sais pas combien d'heures, puisque je suis très nul en calcul. Un peu plus de 24 encore heures de radio à retrouver. Et nous, juste avant de se quitter, on se refait un dernier top 5 pour se quitter en musique. Ouais, vachement plus léger quand même. Vachement plus léger et vachement plus fun que celui que tu nous as fait avant. Oui, puisqu'on va parler musique, des grands titres phares de 85. On a retrouvé le groupe norvégien AA. Avec Take On Me. Ah là là. Ah oui, incroyable. Ça a 40 ans maintenant. Ah, vous allez voir tous les titres que je vais vous donner, vous les connaissez tous, mais même toute génération. Et tu veux pas nous les fredonner ? Ou les chanter si tu peux ? Il menace pas de faire très beau. On va pas aggraver la météo. Alors, quand je donne les classements, c'est mes classements à moi et c'est complètement subjectif. C'est toi qui as décidé du top 5. Oui, c'est toi qui as décidé du top 5. C'est ça, c'est magnifique, ça. Magnifique, oui. Incroyable. Donc, en numéro 2, j'y mettrais bien un gros groupe éphémère avec Michael Jackson, Lionel Richie, Stevie Wonder. Oh. J'ai plus le nom. Moi non plus. Ah, ça m'énerve. Attends. Dis-le nous. We are the world. We are the world, évidemment. Africa. We are the world. Je vais pas le chanter. J'ai failli partir. Je me suis dit que non, c'était une mauvaise idée. Ouais, de ouf. Mais la voix, elle est restée bloquée. En troisième position, la diva américaine des années 80, Madonna. Madonna. Like a Virgin. Like a Virgin, waouh. Et pas forcément. C'est à 40 ans. C'est ça. Oui, ça la diva américaine de. Tout court. De tout court. Oui, mais c'est là qu'elle a vraiment explosé, quoi. Exactement. Ouais. Ah oui. Il y a quand même un gros creux de la vague dans les années 90-2000. Elle est revenue vers 2010 avec la reprise d'Abba. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bah, la reprise, le sample d'Abba. Tout à fait. En quatrième, Dire Straits avec Money for the Nothing. Ah oui. Alors là, je ne l'ai pas. Ça ne me dit rien. Ouais, j'avoue. Ah, si c'est excellent, ça. Tu dirais oui. Ok, je l'écouterai. Et donc, comme je te disais, on va terminer l'émission. Exactement. Comme on l'a commencé quasiment avec le film The Breakfast Club. Tout à fait. Donc, dont la boucle est bouclée. Voilà, la boucle est bouclée, dont la chanson était chantée par le groupe Simple Minds, Don't You. Et que tu vas te qu'on faire va mettre juste après, mais d'abord on le curseur délicatement. Mais d'abord, on va quand même se dire au revoir. Tout à fait. Voilà, on vous souhaite naturellement une merveilleuse journée à l'écoute de Fadjet. Vous allez retrouver, je l'ai dit, juste après nous, Multitube. On se voit pas lundi, malheureusement, pour l'équipe du lundi. C'est la pause. On se remet de ce week-end. Lundi d'après, on sera pas là de nouveau. Mais vous allez retrouver la matinale demain matin à partir de 7h jusqu'à 9h avec une équipe tout aussi formidable que vous allez pouvoir écouter. Par contre, on peut me retrouver mardi. Et on peut te retrouver mardi. J'allais y venir. On peut retrouver Bruno mardi. On vous souhaite une belle journée à l'écoute de Fadjet. Bon week-end à vous et encore joyeux anniversaire à cette radio formidable. Allez, on va s'écouter Simple Mind avec le titre Don't You. Garçon, l'addition, s'il vous plaît. Eh bien, monsieur, vous avez donc pris un plat d'infos éphémérides et programmes TV sur son lit de chroniques variées, accompagné de sa sauce bonne humeur avec équipe différente, chaque matin de 7h à 8h30. Ça vous fera 94.2, service compris. Oh, c'est une affaire, je reviendrai. Your defenses.